3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey, hey, hey! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour pour l'épisode 97. Et ben oui, déjà, le centième s'approche à grands pas. Ouh là là! Encore fidèlement accompagné de Seb, a.k.a. Choubix, le Gaulois. Comment vas-tu? Ah, écoute, ça va, nickel. Avec sa barbe soyeuse. Les Knicks sont, les Knicks sont repris. Donc c'est cool, ça. Oh, ça oui. Ils sont de retour, ils sont pas tout seuls, ils ont leur petit ambassadeur, c'est cool. On va parler de tout ça, il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Et oui, c'était que un training camp, il y avait des histoires de médias, content day, on devait parler d'un chat, pas d'un chat. Bon bref, le chat, la souris, tout ça, on va vous raconter tout ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue dans un petit épisode, un gros épisode, un moyen épisode, un épisode en tout cas. Pas, en fait, Avenix Week. Au feeling, tout ça en fait. Ça est... On sait pas, ça se fait, c'est ça. C'est l'actualité d'Enix qui nous fait ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 2 heures, on sait pas. Ok, on est parti pour une émission. Installez-vous confortablement, on est parti pour une nouvelle semaine sur la planète Nyx. Je lance le petit jingle, Avenix Week, c'est parti. On lance tout ça. Allez, let's go. Et oui, on est parti, on commence avec une annonce KNF. Et oui, on a fait un petit peu de teasing la semaine dernière, on en a parlé. Il était temps de vous dévoiler le premier événement, le premier rassemblement en physique. Parce que oui, nous sommes une association. On n'est pas que des gens derrière des écrans, derrière des caméras, à faire des malins sur quelques contenus ou sur des réseaux sociaux. Non, non, non. Knicks Nation France, c'est une association. C'est la première association, loi 1901. Oui, oui, il faut dire les termes. Et on vous propose un nouvel événement. Alors, on a parlé d'événements, on vous a parlé du main event. Des main events, il y en a deux. Les voyages associatifs, c'est clair. Vous savez déjà tout sur les voyages associatifs, on va en reparler bien sûr. Mais cette fois-ci, c'est au Hoops Factory qu'on va se donner rendez-vous dimanche 3 novembre. Et oui, la saison NBA a commencé depuis une semaine et demie. On aura l'occasion de débriefer ensemble des matchs qui se seront déroulés, des ambitions d'Enix. Titre, pas titre, contender, pas contender, est-ce qu'il faut trade un tel? Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça, ça sera le dimanche 3 novembre, voilà, en fin des vacances de la Toussaint. Donc l'occasion de jouer et de passer un petit moment sympathique sur les parquets du complexe de Hoops Factory Paris-Villette. Voilà, tous les détails sont bien évidemment disponibles sur knicksnationfrance.com et nos divers réseaux sociaux. Vous connaissez la façon de faire aujourd'hui de la KNF, ça n'a pas changé, même avec cette saison 2024-25 qui débute juste. Et ça nous fera un énorme plaisir de pouvoir vous retrouver sur les parquets et pouvoir échanger, passer un bon moment basket. Bien sûr, et puis l'occasion de discuter d'Enix, bien évidemment. Bon, c'était l'occasion de lancer cet épisode 97 dans la bonne humeur, parce que bah, la semaine dernière, on a appris une triste nouvelle, malheureusement. La planète basket et la planète NBA étaient en deuil, les Knicks aussi, parce que ce fut un joueur d'Enix, Dikembe Mutombo. On y avait pensé la semaine dernière, lorsque Seb, tu nous parlais de la longévité de LeBron James, c'est que lorsqu'il a commencé sa carrière sur la saison 2003-2004, tu nous énumérais différents joueurs des Knicks qui étaient dans le roster, et il y avait ce bon vieux Dikembe Mutombo, le numéro 55, vous savez, avec son signe, sa célébration pour dire « Non, non, non, not in my house, not in my garden », il s'était fait une spécialité de contrer tout un tas de joueurs. Michael Jordan avait voulu se faire Dikembe Mutombo sur un poster dunk, il y avait réussi, mais beaucoup s'y sont cassés les dents face à la montagne Mutombo. Un le joueur fameux, qui a eu... Le fameux lancer froid aussi, où il ferme les yeux et lui dit « Mutombo, c'est pour toi ». Ouais, effectivement, donc un joueur attachant et qui avait aussi eu une belle après-carrière dans les œuvres caritatives et toute la sphère autour de la NBA. En Afrique, il a notamment le développement de la NBA en Afrique. En Afrique, sur la NBDL, je ne sais plus comment on prononce le nom, je ne vais pas faire d'impair, mais sur le développement de la Ligue africaine, il a été forcément impliqué de par son pays de naissance, le Zaïre, où il a également construit un hôpital, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc un joueur au grand cœur qui a eu une longue carrière NBA, mine de rien. Il est passé par les Knicks. forcément. On a souvenir de lui, bien sûr, dans sa première franchise avec les Denver Nuggets, où ils avaient fait un très gros upset en éliminant les Seattle Supersonics. C'était une des premières équipes, je crois même avant nos Knicks de 99, qui avait éliminé voilà, en top 8, qui sortait un top 1. C'était assez inédit à l'époque, en 5 manches au premier tour. Mais voilà, ils avaient déjà eu ce fait de gloire. Et puis, bien sûr, il y a eu les finales NBA avec les Sixers. Il est passé par les Hawks auparavant. Il est passé également par les New Jersey Nets, New York, bien sûr. Si je ne dis pas de bêtises, Houston. Et puis, je crois que c'est tout. C'est tout. Ça fait déjà Denver, Atlanta, Houston, Philadelphie, New York et New Jersey. Et il aura fait deux finales NBA. Un grand nom qui nous quitte, malheureusement, décédé d'une tumeur au cerveau, d'un cancer au cerveau, à l'âge de 58 ans. Ça reste jeune, malheureusement. Et il avait des problèmes de santé. Il s'était retiré de toute apparition publique, déjà depuis quelques années, une saison ou deux, et on n'avait pas trop de nouvelles. Et malheureusement, bah, on y pensait la semaine dernière, lorsque tu évoquais son passage à New York, qui n'est pas le passage le plus marquant de l'histoire de la franchise, c'est certain. Mais c'était un ancien joueur des Hoyas, des Georgetown Hoyas. Hein, c'est un joueur qui fait partie de la sphère de Patrick Ewing, hein, puisque à lui et Alonzo Mourning, c'était les trois gros pivots. Et il était un peu le mentor aussi de tout ça, hein, Pat. Donc c'est vrai que il y avait cette confrérie. Il y avait cette confrérie et cette grosse amitié entre ces trois joueurs, quoi. Il y a vraiment eu oui, ça. Bah, le fait d'être passé par la même fac, par le même coach, John Thompson, qui était un coach emblématique de cette fac, bien sûr, ça gardait des liens. Et il avait été sympathique de les retrouver ensemble au All-Star Game en 97 ou 98 pour la conférence Est. On avait quand même eu un trio de pivots, Mutombo, Mourning et Ewing. C'était une autre époque, clairement, des pivots très axés défensifs. Même si Mourning et Ewing avaient quelques skills offensifs. Quelque chose, ouais. Mais Mutombo, c'était un multiple deep boy. Alors je sais plus combien il en a. Alors je peux te dire son palmarès. Bon, évidemment. Hall of Famer, bien sûr. Évidemment, Hall of Famer. D'ailleurs, ses cartes signées, il les signait toujours parce que j'en ai une signée avec HOF et la date. Il signait avec HOF. Il a été 8 fois All-Star. Ouais. Il a été 3 fois le meilleur contreur de la ligue. C'est sa spécialité. Il a été All-Rookie en 91-92. 6 fois meilleur défenseur de la ligue. 6 fois. C'est ça. Et 3 fois All-Star. 3 fois All-Star. Oui, il a été. Non, il a été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois All-Star. 10 fois All-Star, pardon. Il a été All-Star sur sa période rookie. Sur son année rookie, il a été All-Star. C'est dire l'ampleur du joueur que la planète a perdu. Donc voilà. Et puis moi, j'ai un petit souvenir, en fait. Petite anecdote sur Dikembe Mutombo. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Beaucoup ont pu le rencontrer. Et il paraît que c'était un être très, très attachant, très, très sympathique, très, très ouvert. Mais non, en fait, la petite anecdote, c'était une anecdote sneakers. Vous savez, quand on aime le basket, on aime souvent les belles chaussures, les belles sneakers. Et je me rappelle je sais plus en quelle année, mais j'étais au collège à l'époque. 6e ou 5e, ça date quand même. Mais un camarade de classe qui affichait les Dikembe Mutombo Adidas, vous savez, les grosses sneakers, mais le premier modèle, le modèle qui était vraiment teinté couleur africaine à base de rouge, jaune, vert, et qui était un ovni à l'époque sur la scène sneakers. Il n'y avait pas encore autant de colorway qui peut exister aujourd'hui. On voit des couleurs très très fluo, des chaussures vraiment très très... très très varié en couleurs, c'était pas le cas à l'époque, on était sur des choses beaucoup plus basiques. Il y avait bien sûr les Pumps, ouais. Il y avait bien sûr les Jordan, il y avait les Converse, il y avait les LG, des chaussures. Des motifs rayés un peu, c'est ça, noir et blanc là. Tout à fait, Adidas avait fait un modèle très emblématique. Et je les vois là. Et j'avais un camarade de classe qui avait ses chaussures et je me rappelais l'avoir halluciné sur sa paire de chaussures, à rester scotché pendant un cours en disant mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures. 93, sorti 1993. Voilà, ça me rajeunit pas. mais voilà, bah voilà. Dikembe Mutombo, c'était aussi un représentant de la marque Adidas. Bon, il y a eu peu de modèles pour l'accompagner, mais voilà, il fut un temps, il était un des une figure emblématique, sub sandwich de la marque à trois bandes. Ah bah, de toute façon, Dikembe Mutombo était une figure emblématique de cette NBA 90. Hein. C'était bah déjà c'était l'hégémonie des pivots dominants. Donc il y avait toute cette caste, tu l'as dit, avec Ewing, avec Olajuwon, Shaq, Robinson, et évidemment que Mutombo était cité dans cette liste, comme Alonzo Mourning, Rick Smith. Donc c'est vrai qu'il y avait, dans les grosses équipes, il y avait toujours le gros pivot qui faisait la différence, et puis lui, il avait cette faculté d'avoir un sens du contre. Inouï, on a tous cette action en tête où il compte 3-4 fois d'affilée, le mec, et à chaque fois il lui fait non, il contre, il fait non, il contre, exceptionnel. Donc oui, cette voix aussi, il avait une voix très rocailleuse, très, très particulière, et j'ai jamais entendu de trucs sur lui, j'ai jamais lu de trucs sur lui, toujours en tout cas, ça a été dans les compliments, ça a été toujours, enfin il avait une aura, et puis il avait toujours, enfin voilà, donc Dikembe Mutombo, je crois que c'était un vrai géant dans la sphère basket, et particulière NBA, quoi. Et voilà, donc une grande pensée à lui, on pouvait pas démarrer l'émission sans penser à... Dikembe Mutombo. Bon, un pivot d'Eoyas en charge, c'est un autre. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce petit numéro 33, notre ambassadeur. C'est ma mascotte. Non, je l'ai ramené, une petite souvenir de New York de l'année dernière. Et ben oui, on a appris de façon beaucoup plus joyeuse, bien sûr, une nouvelle surprenante. Patrick Ewing revient au Knicks. Ouais. Oui, oui. Oh. Alors, c'est pas pour remplacer Mitchell Robinson qui est blessé. C'est pas parce qu'on galère à faire un trade pour retrouver un pivot backup. Non, même si, bon. Il pourrait peut-être rendre quelques services au regard de certains skills de nos joueurs actuels. Mais non, trêve de plaisanterie, Patrick Ewing revient en tant qu'ambassadeur. Il a un rôle officiel. Alors, quelles seront ses actions? On verra. Peut-être que nous aurons la chance avec la KNF de le rencontrer lorsque nous irons en voyage. C'est pas le rôle de John Starks? Non, peut-être... Non, je pense pas. Enfin, à vrai dire, voilà, on verra quels seront les périmètres d'action de Patrick Ewing. On aura sûrement l'occasion de le voir encore plus régulièrement au Madison Square Garden. Oui. Il aura sûrement aussi l'occasion de faire tout un tas de contenu qu'on pourra trouver sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est le retour du géant, c'est le retour de la légende, c'est le retour de la bête, de Beast of the East, le numéro 33. Le dernier à avoir vu son numéro relevé au plafond du Madison Square Garden. Qui sera le prochain? Ça, on vous laisse... vous faire un avis sur la question. Mais en tout cas, voilà, cette semaine a été annoncé son rôle officiel en tant qu'ambassadeur d'Enix. Il rejoint officiellement l'organisation d'Enix. Ça avait été un petit peu curieux à son après-carrière. Il n'a jamais eu de proposition pour intégrer un coaching staff à New York. Ça a été le cas dans d'autres franchises, à Charlotte, à Washington, auprès de ses amis... Michael Jordan, en l'occurrence. À Houston aussi, il avait été, voilà... Il a été coach pendant longtemps. Compagnon d'entraînement d'intérieur. Il a été coach pendant, je ne sais pas combien d'années, à Georgetown aussi. À Georgetown, une ou deux saisons, ça n'a pas été très très long. Mais voilà, il a eu cette expérience-là en tant que head coach. Et puis voilà, libéré de son contrat. On l'avait retrouvé la saison dernière, bien sûr, au Madison Square Garden, pour fêter tous ces beaux moments qu'on a pu vivre en playoff. Et il était de la partie... Et il s'enjaillait avec son popcorn, avec ses amis, avec les performances dingues de Jalen Brunson et compagnie. Donc là, cette occasion va sûrement se représenter de nouveau, puisqu'il a un rôle officiel d'ambassadeur. Donc voilà, oh. La légende est de retour. Certains mauvaises langues diront que c'est un ring chaser, que cette année où l'Enix se rapproche du titre, le revoilà. Et peut-être qu'il aura sa bague dans l'organisation d'Enix. Écoute, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas. C'est bien qu'il soit... Alors, il a été coach de Georgetown de 2017 à 2023. Hein, ah, 3, ouais, ok. Un peu plus donc, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ouais, c'est Non, mais c'est bien qu'il soit voilà, dans... quand tu regardes dans le... Comment on pourrait dire, dans l'organigramme, qu'il y ait le nom de Patrick Ewing soit toujours associé au Knicks, c'est bien. C'est très bien. Son rôle, voilà, comme j'ai marqué sur Twitter, bon... Parce que c'est un petit rôle, un petit emploi fictif, histoire de mettre le patoche là dans le truc. Mais c'est très bien, c'est très bien. Non, mais il doit être associé au Knicks, hein, de toute façon. C'était un peu une hérésie, comme tu dis, que son après-carrière, bon déjà, bon, son trade était déjà une hérésie. Mais qu'après coup, on les laissait un peu sur le bas-côté. Et c'est pour ça aussi que c'était toujours un peu un événement hein, de le voir au Madison Square Garden. C'était pas tout le temps hein, qu'il était là. Je sais pas s'il y avait un peu de rancœur aussi, peut-être de son côté, j'en sais rien. Hein, là, c'est vraiment de la psychologie de comptoir. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'il soit là. C'est très bien qu'il soit dans l'organigramme. Voilà, c'est un mec, il doit être là. Et puis, on sait jamais s'il peut susurrer deux, trois mots à Jericho Sims sur son footwork, peut-être. Je sais pas. Effectivement, ça peut être un mentor avec de bons conseils d'un point de vue du travail à faire pour les pivots. Jericho Sims, je sais pas. Karl-Anthony Towns, sûrement. En tout cas, il aura forcément une influence, une aura particulière en tout cas, c'est, cette saison. C'est la fibre caribéenne, quoi. Parce qu'entre un Jamaïcain et un Dominicain... Il devrait pouvoir s'entendre, le courant devrait pouvoir bien passer. Et comme on l'a dit, d'autres légendes sont toujours dans l'organigramme, dans la famille, dans l'organisation des Knicks. On pense notamment à Walt Frazier. Patrick Ewing était toujours le bienvenu, mais on aura l'occasion de le voir plus tard. Alan Houston, je crois qu'il est l'assistant GM. Tu disais, John Starks, il a un rôle, là, je crois. Il a un rôle. Ils ont fait rentrer aussi Sprewell, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu Sprewell aussi qui est... Il a un petit truc aussi. Larry Johnson également. Il y a tout un tas d'anciennes gloires. Tim Thomas. Lui, il est incroyable. Tim Thomas, il est incroyable. Lui, passage assez anecdotique, mais il est là sur toutes les photos dès qu'il y a un truc. C'est assez incroyable. Enfin, bref. John Wallace également, qu'on salue. Oui. On a eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années à Los Angeles. Il a fait une saison. Et la saison rookie, je crois. Et puis, On the Knicks, always the Knicks. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pendant qu'on perd Seb, qui va en sous-marin chercher d'autres informations, une autre personnalité qui s'est vue honorée la semaine dernière, eh bien, c'est Spike Lee. Spike Lee va faire son entrée au Hall of Fame. Alors, ça nous a un peu surpris, parce que jusqu'à présent, on voyait des coachs, on voyait des journalistes, on voyait des joueurs, bien sûr. On ne voyait pas encore des fans, des super fans, des méga fans, je ne sais pas comment vous les appelez, des Hall of Famer fans. Moi, je connais tout un tas de fans. On peut se revendiquer comme étant fan des Knicks, mais là, voilà, on est sur le gratin du fan, on est sur le fan Hall of Fame. Les accomplissements en carrière, non. Il y a la fameuse histoire avec Reggie Miller, mais non. Il est vrai que Spike Lee, il n'y a plus rien à contester vis-à-vis de son amour pour les Orange and Blue, pour le sport au général. Il est également fan des Yankees, de toutes les équipes new-yorkaises, bien sûr. Et il a un amour assez bien exprimé sur les Knicks, entre autres. Il ne va pas être seul à faire son entrée au Panthéon du basket à Springfield, puisqu'il sera également rejoint de Jack Nicholson, un fan un peu plus célèbre du côté des Lakers. Billy Crystal, également fan, lui, des Clippers, comme quoi, voilà, la ville de Los Angeles sera plutôt bien représentée. Et enfin, un dernier fan, Alan Horowitz, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, du côté des Philadelphia Sixers. Deux fans côté East Coast, deux fans côté West Coast, tout le monde il est bien, il est gentil, tout le monde il est content. Ça fera une entrée et les premiers super fans qui feront leur entrée au Hall of Fame. Je ne sais pas s'ils seront suivis les saisons prochaines d'autres fans. Spike Lee, ça fait quand même des années qu'il est fan des Knicks. Hein. Il était présent en tant qu'enfant. Du coup, ils vont mettre quoi en bannière, ses lunettes? Je ne sais pas, sa casquette, ses vestes. Enfin, Spike Lee est toujours haut en couleur lorsqu'il se présente au Madison Square Garden. J'ai vu sur un match des Liberty. Sa doudoune. Non, mais c'est sur le match des Liberty, d'ailleurs, qui retourne en finale WNBA. Hey. Hier, elles ont battu les Aces, et donc elles vont en finale, à nouveau. Il s'est pris la gueule avec une joueuse. Il a trash-talké. C'est New York, ouais, c'est Spike. Il était sur le bord du terrain, comme d'habitude, accoutré là, de toutes les couleurs donc, des Liberty. Et il a commencé à chambrer une joueuse adverse et tout. Enfin bref, voilà, du Spike, quoi. C'est Spike. C'est la façon dont il vit les moments. Et voilà, on peut pas... On le connaît et on lui pardonne tout à Spike aujourd'hui. Mais voilà, félicitations à lui. Il fera l'entrée au Hall of Fame et il représentera les Knicks. Du coup, est-ce qu'ils vont le relaisser rentrer par les portes dérobées du Madison Square Garden? Est-ce qu'ils vont lui rouvrir la porte maintenant qu'il sera Hall of Fame? Cette saison, c'est plus la saison des dramas. Voilà. Cette saison, on vise autre chose. On aura d'autres éléments pour venir à alimenter les mauvaises langues. Non, non. Spike Lee, il a les clés du Garden, il a les clés de toutes les portes du Garden. Est-ce que Charlotte, bon. est-ce que Oakley va revenir au Garden quand Avec un ambassadeur qui s'appelle Patrick Ewing. On verra. Ouais, bah, ceci, dit, ceci dit, c'est pas forcément en très bon terme. Non, faut pas qu'il lise les déclats de Oakley dans la presse, hein, parce que c'était assez. Ils sont pas en bon terme. Mais peut-être que ce rôle d'ambassadeur sera un pas de plus pour un retour, pourquoi pas, de Charles Oakley au Garden. Franchement, il mériterait de revenir. Après, faut savoir à un moment donné mettre de l'eau dans son vin. Ouais, c'est des disputes de vieux bonhomme là maintenant, tout ça. De l'eau dans son vin, voilà. Ok. De l'eau dans son Ricard. Pas la ref. Pas sûr qu'il carbure au Ricard. Bon, allez, avant de parler des matchs, il va falloir qu'on parle encore un petit peu des rumeurs parce que oui, c'est pas fini. Léon a beaucoup travaillé cet été. Hein. On peut dire que son job d'été a été très bien exécuté. Surtout lors du second tour de la draft. Alors là, il a beaucoup bossé, c'était énorme. Non, mais même après la draft, il a plutôt pas mal travaillé. Non, mais c'était pour rigoler. Il ne semble pas rassasié. C'était pour rigoler parce que le second tour de la draft, c'était tellement what the fuck. Où tu te rappelles les pics, ça passait, ça ressortait, ça allait là-bas, ça revenait. C'était génial. Du Léon Rose. Du Léon Rose. Voilà, c'est pour ça que c'était un petit Il adore le jeu du Bonto où je te prends des pics et voilà. Mais ceci dit, ces pics et ces accumulations de pics ont permis de faire des échanges pendant l'intersaison. On a eu Michael Bridges, on a eu Karl Anthony Towns. On va revenir un petit peu sur les détails du trade. Mais des rumeurs, il y en a toujours. Et des rumeurs qui concernent un petit peu trois noms ces derniers temps. On a eu écho comme quoi, Mitchell Robinson était peut-être dans le package initial proposé au Minnesota Timberwolves, accompagné de Julius Randle, ouais, au moment de la draft. Au sport de la draft, ouais. Voilà, c'est une histoire qui a traîné, mais qui a été entamée depuis un moment. Le timing a été un petit peu bizarre. Non, mais c'était sûr que cette histoire de Karl Anthony Towns, ça s'est pas géré en 24 heures. C'était évident. Un dossier qui traînait. Et ce dossier est maintenant réglé, mais ceci dit, il y a encore des rumeurs qui sont apparues dans les médias. Alors, on donnera une importance plus ou moins grande à ces rumeurs. Tout ça reste des rumeurs. Peut-être que d'ici la deadline, on verra des noms ressurgir ou d'autres qui ont été évoqués par le passé. Mais ces deux noms, c'est Marcus Smart, qui semble-t-il intéresserait les Knicks. Un profil d'ancien deep boy, défenseur de l'année, c'est toujours intéressant. Après, un joueur plutôt du backcourt. À voir, il y a un côté leadership, il y a quelques problèmes d'adresse pour certains, d'un point de vue du shoot extérieur, mais pourquoi pas un renfort intéressant pour un joueur du banc, parce qu'on a du mal à envisager maintenant un joueur du 5 majeur, mais bon, pourquoi pas, affaire à suivre, voir le prix que pourrait demander Memphis, voir si Memphis a plutôt intérêt à garder son joueur, puisque c'est une équipe qui, la saison passée, est passée au travers de par notamment pas mal de blessures, et qui... auparavant nourrissait quand même quelques ambitions légitimes. Et Marcus Smart n'a pas été épargné par les blessures. Il n'a pas été épargné, donc à voir aussi l'état de santé du joueur. Il doit rester 2 saisons de contrat à peu près à 20 millions de dollars. J'allais te dire, oui c'est ça, c'est exactement ça. Il lui reste donc cette année à 20 millions et la saison prochaine à 21,5. Alors il faut voir aussi le joueur, est-ce qu'il est dans l'optique de vouloir rester à Memphis? Est-ce qu'il voudrait, tu vois, est-ce qu'il aurait l'opportunité d'aller... chez un gros contender, est-ce que Memphis est un contender maintenant qu'ils ont récupéré Ja Morant, que Jaren Jackson Jr. est revenu aussi? C'est une équipe qui, sur le papier, peut avoir quelques ambitions également. Donc, à voir ce que le front office veut faire. Est-ce que le front office pense que ça peut être quelqu'un qui peut justement être là dans la durée, ou ça peut leur permettre de récupérer des assets dans leur construction? Les Knicks, eux, sont maintenant, on le sait, sont dans l'optique de win now. Donc, est-ce que Marcus Smart, c'est le joueur à aller chercher maintenant? Il y a plein de questions autour de ce nom, cette rumeur qui est apparue. Est-ce que les Knicks ont la capacité de réaliser ce trade? Aussi, parce que derrière, l'arrivée de Karl Anthony Towns, maintenant, les marges de manœuvre sont quand même beaucoup plus étroites. Donc, à voir. Un autre nom qui est apparu, c'est Trey Murphy de Third, le numéro 3. Très bon défenseur, très long. J'avoue, je ne connais pas le 1 et le 2, mais bon, le 3 a l'air plutôt pas mal. Le 3, le retour du roi. Le retour de... mais qui est aujourd'hui à New Orleans, chez les Pelicans. Les Pelicans qui sont plutôt en déficit de pivot. Donc là, on pourrait peut-être s'attendre à effectivement quelque chose, mais encore une fois, il faudra aussi se montrer patient parce que il est annoncé comme blessé et devrait manquer les premières semaines de la saison régulière. On est sur un poste plutôt d'arrière ailier, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est long, il a de longs segments, c'est un bon défenseur. plutôt jeune. Ah oui. Donc à voir, mais voilà. Les rumeurs, en tout cas, alors, continuent, malgré tous les trades effectués cet été. Rumeur aussi, enfin rumeur, non, précision qui est tombée cette nuit. Visiblement, au départ, donc les Knicks étaient quand même aussi intéressés par Walker Kessler. Ça fait un moment que son nom circule. Et puis donc, son nom circulait, mais son nom circulait vraiment, c'est-à-dire que tu as eu des vraies discussions entre New York et Utah. Voilà, donc Walker Kessler intéressait énormément New York, a fait plusieurs propositions de trade, bien avant 4. Ils leur ont fait des propositions de... Visiblement, il était peut-être le 1 sur la liste des gens qui voulaient récupérer. Cependant, le prix que demandait tonton Danny Age était encore... Voilà, donc il demandait lui 2 first pick, et les Knicks n'étaient pas prêts à mettre autant pour un joueur de ce calibre. Donc ça a négocié, ça n'a pas marché. Donc à la fin, ce qui s'est passé, c'est que ben, les Knicks forcément se sont tournés vers l'option 2, c'est-à-dire Karl-Anthony Towns. Et qui est un joueur quand même de qualité supérieure aujourd'hui. Oui. C'est pas le même jeu, c'est pas du tout le même. Pas de doute du tout, on n'est pas du tout sur le même type de joueur. Hein. Walker Kessler est plus un pivot, on va dire à l'ancienne, à l'intérieur qui défend, un gros défenseur qui a aussi un jeu de passe. Karl-Anthony Towns est plus un intérieur fuyant. Qui est un gros shooter à 3, rebondeur en défense, peut-être moins bon défenseur. Donc voilà, on a été quand même sur 2 profils bien différents. Bon, à voir. Mais curieux tout de même la situation de Kessler, parce que c'est un joueur qui était plutôt prometteur, drafté pas très haut. Enfin, qui est arrivé dans le cadre du trade de Rudy Gobert, mais du coup, qui n'a pas été. C'était pas un lottery pick. Il a eu l'occasion de faire Team USA, si je dis pas de bêtises, dans les championnats du monde. Avec John Brunson. C'était pas la meilleure campagne de Team USA, mais c'est un joueur qui est plutôt élite au regard du gros, pays. Gros contreur. Gros contreur. Curieux la position de Utah sur le sujet. En plus, pour moi, ça peut être. Enfin, je veux dire, à son entente avec Lauri Markkanen, pour moi, ça fit bien. Un est quand même plus à l'intérieur. Lauri Markkanen est quand même plus un stretch fort. Offensif et donc, l'autre défenseur. Donc, pour moi, ça peut être une association qui peut marcher. Les deux sont jeunes. Donc oui, je comprends pas pourquoi est-ce que son nom a autant circulé, en tout cas, et sa disponibilité, on va dire. Après, ça a été refroidi. Et dernier point, on a dit la semaine dernière que visiblement Dante DiVincenzo aurait été mécontent de se dire bon, il faut que je ressorte du banc. Ça serait ça a été démenti. Ça serait des conneries. Visiblement, lui était plutôt hypé de jouer avec ses potes. Ce que je peux comprendre. Les Knicks... Bien sûr, un rôle réduit par rapport à ce qu'il a connu la saison dernière. Voilà. Ça n'a plu à personne, mais il n'était pas contre non plus retrouver l'association des Nova il Boys. Donc... Il était disposé à le mettre dans le trade. En tout cas, pendant longtemps, le trade ne s'est pas fait, ou en tout cas, était retardé. Ben, les discussions ont été retardées parce que il voulait absolument conserver Dante DiVincenzo. Julius Randle était dans la balance, ça c'est clair. Maintenant, Dante DiVincenzo, il voulait le conserver. Bon, au moment donné, pour un trade, il faut que ça avance. Donc, il faut qu'il y ait des contreparties. Peut-être que, on a lâché le first pick qu'on a lâché, qui est protégé, et qui, vraisemblablement, va peut-être se transformer plus tard en second tour. Si on n'avait pas mis Dante dans la balance. Donc voilà. Donc, il a fallu faire des choix. Mais en tout cas, Dante DiVincenzo n'était pas parti pour partir. Voilà, Il y avait effectivement dans un premier temps une rumeur comme quoi il était mécontent de ce rôle qui pourrait être réduit avec l'arrivée de Mikal Bridges. Ça a été démenti et l'insider qui a démenti, c'est entre autres Yann Begley, donc qui est plutôt de source sûre. Oui. Donc voilà, donc ça permet peut-être dans un premier temps de faire passer la pilule de la perte de Dante DiVincenzo. Mais on comprend aussi qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Non. Que Mitchell Robinson, de par son côté injury prone, il peut aussi refroidir une équipe comme Minnesota, qui n'avait pas forcément besoin d'un pivot à tout prix, sachant qu'ils ont déjà Rudy Gobert, ils ont dit dans ce registre, quoi. Donc, ils n'étaient pas forcément intéressés par ce que pouvait proposer New York, et l'arrivée de Dante pouvait au contraire apporter quelque chose. On l'a vu dans le Media Day, ça y est, lui, il a eu l'occasion, avec Julius, de faire le passage à Minnesota. Il a déjà aussi joué un petit peu. Et on j'ai a vu finalement le match de... tous les détails du trade. Effectivement, ça a été plutôt compliqué à mener. Et les Knicks ont vraiment bien manœuvré, finalement, parce qu'ils ont joué avec les subtilités du nouveau CBA, de l'accord de la Ligue. Il ne fallait pas empiler certains contrats ou... voilà, il fallait pas proposer que des joueurs à des contrats minimum. Bah, les Knicks ont payé $1 de plus pour ne pas être techniquement dans le contrat minimum. Il voilà, est magique. De procédure ou il pas, rajoute $1 et puis c'est bon, ça passe quoi. Donc pour $3 de plus, allez, emballez ces pesées. On vous les envoie un petit peu à droite, à gauche, c'est dans génial, les pays, c'est génial. Dans les États des États-Unis. Donc au final, ça s'est traduit par 3 joueurs qui débarquent à Charlotte. Dwayne Washington Jr., Charlie Brown et notre ami Daquan Jeffries, qu'on a pu retrouver en partie lors du premier match de pré-saison. Et donc Julius Randle, Dante DiVincenzo et Diop, Desanga, Diop, je ne sais plus son prénom, oui. Qui se retrouvent à Minnesota. Des tours de draft un petit peu à droite, à gauche pour compléter l'ensemble. Et non, voilà. C'est Batez Diop. Desanga Diop, c'était à l'ancienne, je crois que c'était un pivot. Ouais, c'est Batez Diop. Comme on l'a peu vu jouer, voir. Lui, il est à New York. Près de Michael Bridges. Donc, il a fait Brooklyn, New York. Et ce qui est fort. C'était qu'une étape, hein. C'est plus facile de repartir. J'ai adoré ce qui était génial. C'est que donc, le mec n'a jamais porté le maillot des Knicks à aucun moment. Mais pour autant, et pourtant, on l'a remercié. Quoi. Ouais, on l'a remercié et on le remercie donc, dans une pause comme s'il est en train de tirer un lancer francois avec le jersey des Knicks. Et là, tu te dis, c'est génial. La communication, elle est fantastique. Alors, on fait beaucoup de belles choses avec l'IA aujourd'hui. On pouvait inventer un peu n'importe qui dans n'importe quelle position. Et en l'occurrence, des joueurs qui n'ont jamais joué avec le couleur des Knicks. Voilà, la légende. Avec un maillot des Knicks. Donc voilà, on a eu du coup le jeu des exercices de merci Intel. Voilà, bah, tiens, regarde, on le voit là, voilà. Là, tu vois. Il est pas beau, Keita Betts. Voilà, effectivement, je me suis perdu le mec dans les prénoms. N'a jamais porté. Alors autant les autres, pourquoi pas, tu vois, vu qu'ils étaient en two way ou quoi, c'est possible. Ils ont fait du training camp, ils ont fait des bouts de garbage time, voilà. Mais voilà, c'était l'occasion de comment dire, en milieu de semaine, d'annoncer tout ça. Les Media Day, c'était lundi dernier. Et attends, t'en as parlé, on récupère un pivot, au passage. Les droits oui, NBA d'un pivot. On récupère les droits d'un pivot de 20 ans, qui a été drafté en première position du second tour par Charles. De la draft de l'année dernière. C'est un pivot qui est visiblement assez athlétique. Défenseur 2m11, voilà, assez puissant, qui joue donc à Barcelone, mais cette année est prêté à Gironde. Donc, possibilité sûrement de le voir en Coupe d'Europe de basket voilà, européenne. Enfin, Coupe d'Europe européenne, bravo. On t'a compris. Voilà, pas en Euroleague, mais peut-être en Eurocup. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être intéressant dans le futur. En tout cas, à voir, je pense, pour la prochaine Summer League. Il y sera sûrement invité. Et ça peut être un mec qui, comme ça, peut paraître anecdotique, mais qui pourra toujours jouer mieux que Jericho Sims. Voilà, ça c'est dit, petite cartouche, c'est gratuit. On va reparler de Jericho Sims tout à l'heure, lorsqu'on va redébriefer le match. Mais effectivement, les Knicks récupèrent les droits NBA pour un joueur. J'ai plus le nom exact, parce que voilà, je sais pas si les yeux. Nagy. Ouais, et le prénom, bon, bref. Il y a un joueur Nagy qui joue... C'est... James Nagy. James. Un joueur d'origine nigériane, un de plus après Oji Anunoby, après Precious Achiuwa. On a Chuma Okeke aussi actuellement dans le roster qui a des origines nigérianes. Et donc voilà, on commence à avoir une petite confrérie. Voilà. Le consulat nigérian de New York devrait être assez occupé avec tous ces dossiers. Mais 2m11, à voir ce que ça donne. Kilos, 20 ans, beau bébé, quoi. Hein. Ceci dit, il n'a pas été invité au training camp, donc ça ne sera pas pour cette saison. Non. À voir, il va rejoindre le portefeuille déjà plutôt bien étoffé des Knicks en termes de droit NBA. Ouais. On en avait parlé de Mathias Lessor lors de l'épisode dernier. Je pense que il a plus de chances. Potentiel. Plus de chances. Ouais. D'avoir une carrière au Knicks que notre pivot français, Mathias Lessor, quoi. À voir, effectivement. Et donc, ce trade s'est finalisé tardivement, courant de semaine. Ça a un peu retardé les festivités au moment des training camps. Donc, on n'avait pas vu Julius Dante tout de suite au Media Day, des Wolves, ni Karl-Anthony Towns. Enfin, Karl-Anthony Towns, on a aperçu une photo de lui avec une casquette à l'envers, disant « Oui, il est dans les parages, mais on ne peut pas encore le voir, on ne peut pas l'interviewer, on ne peut pas parler de lui ». C'était bizarre, c'était comme ça. Pourquoi ça a mis du temps? Bah parce que tout simplement, il y avait des joueurs qui avaient été déjà envoyés en Europe et il fallait attendre la réouverture des bureaux de la FIBA pour pouvoir déclencher les clauses de libération et de trade potentiel des joueurs donc qu'on a cités juste auparavant. Voilà, voilà. Le Media Day, bah, c'est toujours sympa, un moment intéressant. C'est aussi un moment un petit peu des fois crève-cœur où on retrouve d'anciens joueurs d'Enix sous de nouvelles couleurs. Alors, on en a vu du côté de Toronto, on a vu à Dallas aussi Quentin Grimes qui rejoint. Oui, attention, tu sais joueur auquel il départ. Ça peut être un très beau spot pour lui, hein, pour Grimes à Dallas. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça peut être très sympa. Il avait fait sa fac au Cougar de Houston. Bah là, il est au Dallas Mavericks. À voir ce que ça donne. En tout cas, Julius, lui, qui est un origine de Dallas. Hartenstein, effectivement. Alors, certains m'ont dit sur Twitter que bah, c'est bon, Hartenstein, il est en orange et bleu. Non. non. C'est pas du orange et bleu comme nous, on le considère. Au KC Thunder, ça sera une autre aventure pour lui. On a vu aussi Bojan Bogdanovic faire un petit peu la tronche à Brooklyn. Il n'a pas l'air d'être super content de retourner dans l'équipe qu'il a connue il y a quelques saisons. Voilà, et puis Obi Toppin. Alors lui avait déjà quitté l'Enix l'année dernière. Mais quand on reprend un petit peu les clichés qu'on avait médiatés la saison dernière et qu'on regarde maintenant, bah, il ne reste que Jalen Brunson. Donc ça fait un petit peu bizarre. Donc dites-nous en commentaire, on a posé la question sur Facebook, de savoir parmi ces anciens Knickerbocker, Quickly, Randle, DiVincenzo, Barrett, Grimes, et j'en oublie un autre, Hartenstein, ça en fait 6, des joueurs qui avaient quand même un rôle, une place, des minutes dans la rotation de team. Tous ceux-là sont partis, ils ne sont plus des joueurs d'Enix. Lequel va le plus vous manquer cette saison? Dites-nous ça en commentaire. On a une petite idée de la réponse. Et cette réponse, bah, c'est un autographe qu'on fait gagner. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Bon, pour finir sur les Media Day extérieurs, bah, on a aussi la famille Randle bah, qui a dû faire ses cartons, ses valises. Et Julius Randle qui s'était lancé depuis peu en tant que créateur de contenu. Bon, c'est surtout par son équipementier Skechers qu'il peut produire ses contenus. Bon sponsoring, mais depuis peu il avait sa chaîne YouTube avec ses épisodes qui sortaient, où on le voyait en phase de rééducation, et puis bah le trade est tombé, on l'a vu un petit peu les inside, le trade de Julius Randle, de la famille Randle de New York vers le Minnesota, vers Minneapolis, vécu et raconté par Randle, Julius de son prénom, mais également aussi sa femme qui est un petit peu sortie dans les réseaux sociaux pour évoquer un peu ce que c'était que d'un vivre un trade, et effectivement même si ce n'est pas les familles les plus à plaindre des États-Unis lors d'un déménagement professionnel, puisque c'est de ça dont on parle, eh ben, il y a quand même des familles, il y a des conséquences qu'on suspecte pas au premier abord, notamment bah, le fiston Kaiden Randle, qu'on voyait souvent régulièrement au Madison Square Garden et dans l'environnement d'Enix, hein, qui a dû digérer le fait de devoir dire au revoir à ses copains, de devoir changer d'école en courant d'année. À cet âge-là, bah oui. Et c'est pas rien pour un enfant de 7 ans. On réfléchit pas forcément à ça derrière, mais le business NBA est impitoyable. Et la famille Randle bah, devra trouver nouvelle école, nouvelle maison. C'est la vie, c'est pas les premiers. En tout cas, elle évoquait ça avec légèreté et simplicité. Elle disait également que voilà, elle était relativement reconnaissante de partir à Minnesota. Il pouvait y avoir pire comme destination, surtout d'un point de vue sportif. Que bah, vivre à New York, c'est aussi particulier pour une famille, comme tout un tas de parents qui vivent dans les grandes villes. Bah, c'est pas forcément évident, même quand on a des moyens comme les Randle. Et que du coup, à Minnesota, bah, ils pourront trouver un autre cadre de vie. Et pourquoi pas s'y faire, s'y acclimater, même s'il fait froid. Madame Randle disait, il fait pas très très chaud à New York non plus. Hein, donc, elle quitte pas la Floride ou la Californie pour aller dans un purgatoire en haute altitude. On connaît New York pour y aller assez régulièrement dans la période hivernale et on sait qu'il fait pas très très chaud à Minnesota, c'est pas beaucoup mieux, mais voilà, en tout cas, le dépaysement ne sera pas trop important pour les Randle. Il remerciait tout de même l'Enix et l'organisation et les fans et New York pour ces belles années. Un nouveau chapitre s'écrit pour les Randle. Et un nouveau chapitre s'écrit aussi, pardon, je bafouille, pour l'Enix. Et ça, on a pu le voir lors du Media Day lundi dernier. Il y avait quand même des sourires, Il y avait quand même des petites séances photos sympathiques. C'était un petit peu froid au début quand on a eu Jalen Brunson. Lui était visiblement plus touché que d'autres de ses coéquipiers vis-à-vis du transfert qui venait de se passer. Alors peut-être que dans son rôle de capitaine, il devait aussi ne pas être trop léger dans ce début de conférence de presse avec tous les médias et aussi remercier un petit peu les joueurs qui sont partis. Il ne pouvait pas à l'époque. Lundi dernier, parler de Karl-Anthony Towns, donc on a eu le droit aux questions. Et qui Karl, c'est qui Karl? Karl, je connais pas, qui c'est? Donc voilà, ça donnait des petits moments un peu marrants, son côté un peu pince sans rire parfois de Jalen Brunson. Et Mais voilà. d'ailleurs, tu as vu Karl-Anthony Towns ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, la première chose que j'ai fait, c'est Me présenter à JB. je suis allé me présenter à Jalen Brunson en disant, bonjour, c'est moi Karl. Je m'appelle Karl. C'est moi Karl. Ah, c'est toi, t'es grand, dis donc. Non, mais voilà, effectivement, c'est une façon de se présenter, présenter au public. Et puis bon voilà, on a eu les traditionnelles séances photos plutôt sympas. Un absent qui n'a pas trop fait parler, mais c'est Mitchell Robinson. Mitchell Robinson n'était pas C'est vrai que présent lui, à ce moment. tu l'oublies, hein. Donc certes, il n'est pas aujourd'hui en Pourtant, capacité de jouer, il est en rééducation. il a fait des vidéos, ça aussi, que quand son nom a circulé, comme quoi il avait été proposé en trade, je ne sais pas si c'est en réponse, mais il avait fait un post Sur Instagram, Instagram pour ouais. dire tout ce qu'il avait donné aux Knicks, du sang et des larmes, enfin, tu vois. Donc, quelque part, tu vois, je sais pas s'il, je pense qu'il a mal pris, très mal pris, j'ai l'impression. Alors, ça peut se comprendre, hein. Mais qu'il ait mal pris le fait qu'on se dise, enfin, peut-être qu'il s'est dit, ben, on veut se débarrasser de moi, quoi. Et Il était dans le package au mandat draft pour Karl-Anthony Towns. Donc c'est qu'à un moment donné, il fait partie des joueurs qui ont un bon de sortie. Il est plus indéboulonnable. Léon Rose est prêt à l'échanger. Donc effectivement, il est blessé. Ça, on n'avait pas eu vraiment beaucoup d'informations sur l'état de sa rééducation, de son opération post-blessure playoff. Et là, ne pas le trouver en tenue de joueur pour le Media Day, moi j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Et il s'est annoncé arrivant en région new-yorkaise le lendemain. Il ne fait pas le déplacement pour le training camp. Donc il y a un joueur qui est quand même mis sur la touche. Je dis pas, il n'est pas en capacité de jouer, mais pour faire des photos Est-ce avec des monster trucks sur Insta, il n'y a pas de que problème. c'est pas lui qui boude? Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'infos là-dessus, quoi. À surveiller tout de même. En tout cas, c'est une mise à l'équerre comme ça, sur lequel il n'y a pas eu de communication, mais. Et il faut se méfier Voilà. de ces signaux faibles. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il aurait très bien pu, je pense, être Faire présent des photos. pour cette journée-là. Regarde, quand tu les vois faire les débiles en train de crier, faire leurs signes ou quoi que ce soit, t'as pas besoin d'être. Tu vois, tu peux. Au pire, si tu as un strap à la cheville, je pense que ça t'empêche pas de le faire, quoi. Oui, et Et puis puis. typiquement, on n'a pas un joueur qui était voilà, en chaise roulante ou autre. On l'a vu cet été sur tout un tas de réseaux sociaux. Faire des Bah oui. micheries, on va appeler ça comme ça, des dingueries ou autres. Voilà, il n'y a pas de souci à ce moment-là pour se mettre en scène. Donc moi j'ai trouvé ça bizarre et puis ça fait du coup un joueur qui est en retrait de l'équipe. C'est jamais très bon, même si on sait que le retour à la compétition allait de toute Après, façon être on un petit peu plus long sait pour lui. que Mitchell Robinson, c'est un grand enfant, quoi. C'est vrai que quand tu l'écoutes parler ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est un ado. Et donc, moi, je reste sur mon idée de me dire qu'il boude un peu parce que ben là, on lui dit, on lui a fait comprendre que ben, peut-être. Et puis en plus, c'est l'année où il est possible de pouvoir d'avoir quelque chose, en tout cas, au bout. Je ne dis pas qu'on va l'avoir, mais en tout cas, on est en position de pouvoir l'avoir. Et lui, qui a connu des années désastreuses et peut-être, on va dire, proche du Graal, et cette année-là, on lui dit, au fait, merci pour tout, mais ciao. Je peux comprendre qu'il peut se dire, mais en fait, je suis pas. Enfin, j'ai été là dans les mauvais moments, je suis toujours resté, j'ai prolongé, et puis en fait, on va pas me garder. Affaire à suivre, affaire à suivre. En tout cas, voilà, c'était une absence que peu ont évoquée. Ça n'a pas vraiment fait parler dans les médias ou les réseaux sociaux. Bien sûr, on n'allait pas questionner son absence, mais moi, je note juste que, voilà, il n'était pas présent sur ce jour-là. Je ne dis pas être présent sur le training camp, à faire les entraînements, quoique il peut travailler sur son physique, sa rééducation. On ne sait pas à quel niveau il est avancé aujourd'hui. Ça lui empêche pas de shooter des lancers francs, peut-être. Hein, je dis ça, je dis rien. Même quand on a mal à la cheville. Mais voilà, Voilà, il faudra surveiller tout ça. En tout cas, on n'aura pas de photos avec lui lors des Media Day. On n'a pas eu les content day. Est-ce qu'il aime les bagels avec du saumon ou quoi? Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Karl-Anthony Towns, quelques jours après, a rejoint donc du coup le training camp des Knicks, qui est délocalisé. Comme l'année dernière, il est à Charleston, en Caroline. Alors, je ne sais plus si c'est Caroline du Nord ou du Sud. Je me mélange toujours un petit peu les pinceaux dans ces États des États-Unis. Mais en tout cas, c'est loin des terres de Big Apple. Et puis voilà, bah, il a fait sa petite conférence de presse. Alors, il n'y avait pas trop d'engouement sur son arrivée. C'était très professionnel, il était content, il remerciait son ancienne organisation, voilà, il Il était parlait, focus. il parlait, il a parlé aussi de l'amour d'Enix de la part de sa mère. Familial, voilà. Il y Voilà. a peut-être aussi une corde un petit peu sensible par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il a perdu sa maman Du et je crois Covid. aussi son papa du Covid il y a 2 saisons. Donc Sa famille a effectivement, été New York, décimée, hein. A été décimée. c'est pas une franchise totalement innocente par rapport à lui. Il y a eu des anciens tweets qui datent d'il y a 10 années qui sont remontés où il était fan d'Enix, il avait kiffé l'Insanity, les périodes Melo et compagnie. Donc il disait mais Nix, no Nix, voilà, il y avait cet engouement et ce côté je suis un fan d'Enix. Donc ça là-dessus, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il va apprécier cette franchise, ce maillot, cette équipe, de jouer pour ses couleurs. Mais voilà, on ne l'a pas senti non plus très jovial. Il l'est Après, c'est plus par pareil, hein. retournement. Il a passé presque une dizaine d'années, hein, 9 ans, dans la même Ouais. franchise. Il a été drafté là-bas, il a tout connu, ses saisons All-Star, il a connu les playoffs, il a connu des mauvaises années, des bonnes années. Il a été là, il a été pendant longtemps au centre du projet. Bon, maintenant, Le le franchise franchise player player, des Wolves. maintenant, bon, c'est Anthony Edwards. Anthony Edwards. Donc, mais il part en trade, alors que peut-être qu'il se disait, bah, tiens, par mon statut, je suis protégé de ça. Finalement, non. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi déstabilisant, hein, pour un joueur de ce calibre-là, de se dire, bah, en fait, oui, bah, finalement, comme les autres, je suis un numéro, quoi. Bah oui, ça peut se comprendre. Un gros numéro. Et peu de temps avant, il a enregistré une émission avec Sharp, là, je sais plus, Shannon, Jay Sharp, je sais plus, qu'on a pu voir sur YouTube. Et pendant 2 heures d'interview, il était très fun, très rigolo. Et il avait beaucoup d'ambition pour cette saison à venir avec les Wolves. Faut rappeler qu'ils ont terminé avec son équipe d'alors en finale de conférence, après avoir éliminé Phoenix 4-0, 4-1, je sais même plus. 4-0, je crois. Avoir écarté également le champion en titre des Denver Nuggets, où Ouais. il avait fait une très belle série et une belle défense sur Nikola Jokic, faut le dire. Et par Il faut contre, le ils avaient dire. buté contre Dallas. Donc voilà, un joueur qui avait fait, on s'en rappelle pas forcément, mais qui avait fait aussi un carton la saison dernière avec un match à plus de 60 points. C'était la semaine où on avait eu Luka Doncic et Joel Embiid aussi qui avaient cartonné à plus de 70 points. Donc voilà, on est un C'est un joueur super qui joueur, était hein. C'est un super joueur. Est-ce que maintenant, c'est un joueur bien qui. installé en tout cas. Est-ce que c'est un joueur. Il connaît son jeu, il connaît ses forces. Est-ce que c'est un joueur bâti pour les Knicks? Bâti pour cette équipe des Knicks? Quoi qu'il arrive, c'est un joueur des Knicks. Maintenant, oui. Il va devoir un petit peu se réinventer dans son rôle. Il était plutôt sur un poste 4 fuyant. Sa capacité à jouer au large, elle n'a jamais été à remettre en cause et elle va pas changer avec son arrivée à New York. On a pu le voir un petit peu sur le tout premier match. Mais on avait un joueur qui était, depuis quelques saisons, depuis 2 saisons du moins, à côté d'un Rudy Gobert, donc qui lui permettait de jouer au poste 4 et puis au poste 5. Là, à New York, c'est peut-être un retour au poste 5 qui est prévu pour lui, du moins à terme. Donc à voir, il va falloir qu'il s'adapte. Nouveau coéquipier, nouvelle ville, nouvelle franchise, nouveau coaching staff. Nouvelle ambition, je pense qu'il avait une belle ambition avec Minnesota. Est-ce qu'ils avaient des objectifs pour aller jusqu'à des finales NBA, jusqu'à un titre? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'avec New York, il aura plus de chances d'atteindre ces objectifs-là? À voir. On va en reparler aussi tout à l'heure en seconde partie d'émission. Mais en tout cas, voilà, on l'a senti concentré, pro, des émotions, mais pas trop non plus. Et voilà, ce côté. La famille qui était fan de New York. Je crois que son père aussi a fait des essais en training camp il y a de nombreuses années avec les Knicks. Donc voilà, c'est un gamin du New Jersey, mais qui a toujours été fan des Knicks. Et ça se fait sûrement un écho particulier dans son cœur. En tout cas, voilà, ça c'était pour les présentations. Une grosse semaine avec des rumeurs, des trades et tout. Mais on a quand même eu un match. Bah oui, c'était l'occasion de revoir les Knicks enfin sur les parquets NBA, sur des parquets de pré-saison. mais des parcs NBA quand même. C'était cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Un match plutôt tôt pour nous, tant mieux, profitons-en. Il y en aura d'autres un peu plus tard dans la saison. Mais profitons de ces matchs à de bonnes heures. Et donc, un premier déplacement, pas très loin du training camp de Charleston. C'était cette fois-ci à Charlotte, pour les Charlotte Hornets. Avec une équipe qui était relativement complète. Retour de la Melo Ball. Miles Bridges, également ouais. présent. Brendan Miller, qui avait fait une belle saison rookie la saison dernière. Brendan Miller, ouais, très bon. Numéro 2, dauphin de Wemby. Et qui avait montré de belles choses. Et sur ce match, a encore montré de belles choses. Ouais, très bon. Et puis, un Français qui a été drafté en pick 6. Tidjan Salam. Salin, je ne sais pas comment on le prononce non plus, qui a été formé à l'école de Cholet, si je ne dis pas de bêtises, non plus. Voilà, un de plus. Et pic assez surprise, hein, pic top 10, ouais, top 10 pic, tu as dit 6, hein, 6e, je crois. Il est arrivé 6e. Pic assez surprise, aussi haut, un peu comme Bilal Koulibaly, sa cote était montée en flèche dans les derniers mois de la draft, enfin avant draft, et... Et il avait été drafté là donc par les Hornets, à voir comment ça va se passer pour lui. Il est dans une équipe en reconstruction, je pense que ça peut être le bon spot. Ceci dit, il n'était pas titulaire, il était que joueur du banc sur ce match. On avait Nick Richards, qui est également un joueur qui avait fait l'objet de certaines spéculations. Ancien coéquipier de Quickly, trade je ne dis pas de bêtises. Impossible. Kentucky également. Kentucky, ouais, d'accord, ok. On a bien aimé les Kentucky Boys et on en trouve quelques-uns. Bref, une équipe des Hornets qui a plutôt bien joué son jeu, un jeu d'attaque. C'est tout de suite un match qui s'est montré sur un haut tempo offensif. Alors bien sûr, on a eu le starting five, le premier starting five de la saison proposé par Tom Thibodeau. C'est de la pré-saison, mais on peut s'attendre à avoir ce genre de titulaire pour l'opening night au TD Garden. Composé donc de Jalen Brunson à la main. Moi, perso, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre, mais bon, allez, on peut partir à voir ce que ça va donner cette saison. Ouais, il faut ouais. Un joueur un peu surcoté, quand même, un peu surcoté, surpayé. Mais bon, on parlera tout ça plus tard. À ses côtés, plutôt Mikal Bridges, en poste 2, avec Josh Hart. Alors, qui est le 2, qui est le 3, ça switch beaucoup, donc c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, on retrouve ses coéquipiers de Villanova dans ce backcourt. OG Anunoby au poste 4. Bah oui, Randle n'est plus là. Et Karl Anthony Town au poste 5. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, un retour au poste de pivot. De toute façon, c'est lui le plus grand. Donc, voilà, la question ne se pose pas. Tu vas jouer pivot, l'ami. Un starting 5 qui a fait une bonne partie du premier quart-temps. Tes premières impressions, toi, déjà, sur comment ça s'est démarré, ce match, les actions. Les Hornets sont plutôt ouverts le score. Il y a eu un 5-0, puis après, ça s'est rééquilibré. À un moment donné aussi, mais comment tu as trouvé les premières actions, premiers automatismes, à un moment donné aussi, premiers shoots. Ils ont pris 12 points d'avance aussi, à un moment donné. Et puis, ce match, bon, c'est un match de reprise. C'est un match de reprise avec, si on parle des starters, des titulaires dans un premier temps. Comme on disait, c'est une équipe, c'est une toute nouvelle équipe. C'est-à-dire que parmi les 5 qui ont débuté, seul Jalen Brunson faisait partie du starting fight de l'année dernière. Donc voilà, et avec Hart, c'était les deux seuls joueurs du starting five qui étaient là dans l'équipe aussi l'année dernière. Donc c'est vrai que tout de suite, tu as une nouvelle alchimie à refaire, à reconstruire. D'ailleurs, ça s'est senti, le jeu bégaye un peu, la place de Kat, où elle doit être. Il lui-même avait un peu de mal à se positionner. Ça manquait un peu de personnel à l'intérieur. De fluidité, mais... ouais. Voilà, ça se cherchait, c'est un premier match. JB est allé chercher un peu plus les points à l'intérieur parce qu'il était quand même en délicatesse avec son shoot externe. Hart, Hart, c'est du Hart. Hein, il finit le match avec 0 points. Mais il a mis de l'énergie. Comme on dit, voilà, les starters ont eu 15 minutes de jeu. Ils en ont eu, si je dis pas de bêtises, ils ont eu à peu près 5-6 minutes en premier quart. Pareil, ils sont revenus à la 6e minute du deuxième. Et après, on les a quasiment plus revus du match. Ils sont revenus un petit peu. Mais après, je crois qu'après, ils sont quasiment plus revenus. Donc on a eu cette seconde unit qui était là. Donc au final, 15 minutes du starting 5, compliqué à tirer quelques enseignements parce que c'est trop court, c'est trop peu. Et pour l'instant, cette équipe, comme on vient de dire, elle est en reconstruction, En rodage. en rodage. Voilà, il faut créer des automatismes entre eux. Ça viendra hein, au fur et à mesure de la On a vu saison. cette petite passe main à main entre Jalen Alors, Brunson et Karl-Anthony Towns. j'ai été Donc voilà. agréablement surpris du jeu de passe au poste de Karl-Anthony Towns. Arriver à bien trouver ses camarades. On l'a vu hein, décaler Jalen Brunson à un moment donné. Bon, il rate le layup. Décaler aussi avec une coupe de Hart. Malheureusement, ça rate. Pareil avec OG. À un moment donné, il y a eu un truc. Ça s'est passé. Mais Bam. cette volonté en tout cas de jouer en Ouais. collectif, d'entrée de jeu, c'est... Et donc j'étais agréablement surpris de son jeu de passe au poste. Très, très sympa. Je pense que ça va être important pour pour le futur. Après, voilà, moi, ce que je peux reprocher un peu à Karl-Anthony Towns, c'est qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu trop la caricature de lui-même. C'est-à-dire, le shoot à 3 à outrance, en première intention, je prends la balle, je shoote de loin. Alors oui, il est bon, il On est a mis bon. quelques-uns quand même. Mais oui, il en a mis quelques-uns. Il en a mis un. Un sur cinq à 3 points. Donc voilà, faut pas non plus que ça tombe dans dans cet excès. Après, voilà, ce qui était intéressant de voir, c'était finalement... cette seconde unit hein, qui rentre en jeu, des nouveaux joueurs Ah, aussi parmi eux. c'est peut-être plus là qu'on attend finalement ces matchs de C'est eux pré-saison, c'est de pouvoir qui... voir quels sont les joueurs qui pourront grappiller un contrat, parce que certains ne sont pas encore en contrat assuré pour la saison, Et... et puis d'autres des minutes, qui va être le backup de qui? C'est ça. On a vu tout de suite finalement le premier à sortir du banc, le premier à remplacer un titulaire, c'était Miles McBride, Deuce pour les intimes. McBride est dans sa quatrième année? Possible, oui, parce qu'on est sur un contrat Il est de rookie la, prolongé, il donc. est de la draft de, il est de la draft de Grimes. Grimes, ça faisait déjà, il avait, ah peut-être la troisième remarque, je sais pas, enfin, je vais te dire. Enfin bref, quoi qu'il arrive, bon, on n'est pas surpris du niveau de McBride. On sait que c'est un super jeune joueur, troisième année. Il attaque sa Il quatrième. a Ouais, il a progressé quand même sur son shoot extérieur et il a fait un bon début de match justement en termes de réussite d'adresse. Là où les titulaires avaient peut-être une adresse un peu défaillante et voilà. McBride, lui, lorsqu'il est rentré, il a tout de suite mis dedans, hein. Voilà, Il n'a pas eu de problème. comme j'aime à l'appeler de façon affectueuse, hein, c'est pas péjoratif, de façon affectueuse, c'est c'est le Marcus Smart de AliExpress. C'est-à-dire, c'est le jeune, voilà, c'est tu l'as à moins cher, Ouais, c'est un peu beaucoup moins moins cher bien, même. tu sais que tu vas le comparer avec le vrai, tu vas dire ah c'est pas mal, mais après en regardant mieux, ah mais regarde la finition là, le truc là, c'est quand même un peu moins, ah et puis la défense là, et puis... Donc là tu t'aperçois que finalement il y a des divergentes, mais c'est un joueur qui est toujours agréable, qui donnera tout. Miles McBride, c'est quelqu'un qui va compter à nouveau cette saison. Peut-être que le départ de Dante va lui donner plus de minutes. Ça va être à voir, hein. Moi, je pense qu'on aura beaucoup plus de renseignements sur le dernier match de prépa. Là, on aura une vue sur les rotations, sur les rôles, sur les façons à peu près voilà, de qui va faire quoi. Mais en attendant, McBride est un joueur solide sur lequel tu peux t'appuyer en sortie d'équipe. J'aimerais voir plus de minutes en association avec Colec plutôt qu'avec Payne. Parce que On va y venir après à ce rookie collect, mais effectivement, lui c'est plus le backcourt a plus une faculté Payne-McBride, de on va dire. finition. Campaign a un contrat, donc lui, de toute façon, c'est réglé. Hein, il sera là, en tout cas, jusqu'en janvier, minimum. Donc Campaign est là. Campaign, je pense on va l'aimer autant qu'on va le détester. C'est-à-dire Il est que... capable de bons passages comme de passages un peu what the fuck. Ah, On l'a vu à un moment où il a perdu un ballon, il était en train de perdre un ballon, Jacob Toppin le récupère, et puis derrière il lui remet et l'autre il shoot à 3 quoi. il prend son espèce Donc de shoot, lancer du poids ouais, bizarre. avec il y a une gestuelle un peu particulière. Bon, Mais ça marche, hein, ça. mais Je veux dire, c'est rentré, son ça shoot. rentre dedans, ça tape la planche, ça finit dans l'arceau. Donc Non, il le met. Il met aussi ce 3 points qui est très important en fin de match qui finalement nous donne la victoire. Hein. À voir, lui, sur le long terme, est-ce que ça va être est-ce qu'il va avoir un vrai rôle ou est-ce que ça va être un rôle à la Austin Rivers et on va trouver une porte de sortie dans un trade possible pour redonner plus de place aux rookies, peut-être. Après, quoi de plus? Achua fait du Achua, c'est-à-dire dans l'énergie. Ouais. Lui, il a marqué le 3 hyper châteux avec la planche. Mais bon, il en a aussi, marqué déjà l'année dernière, donc on sait qu'il peut en mettre, même si c'est pas là qu'on... Même si c'est pas là le plus important. J'ai été très déçu parce qu'on avait eu beaucoup de hype sur les vidéos d'avant-saison avec du tir à 3, du jeu au poste, du jeu mid-range. Je vois de qui tu parles, du numéro 20 peut-être, non? Ouais, du nouveau numéro 20. Alan Houston. Assez, voilà, ça, moi, ça, en tout cas, ça m'avait hyper hypé. Et puis malheureusement, bon, on n'a rien vu de tout ça. Donc Jericho Sims, ça fait du Jericho Sims. Même si... Bon, ceci dit, il a fait une belle moisson au rebond. Voilà, il a fait le rôle au moins minimum de ce qu'on attendait. Il a fait un petit rebond, voilà. Bon, il a fait un petit rebond. Après, à la défense, ça sera à revoir. Voilà. Donc, écoute, il prend déjà du rebond. Lui aussi, c'est sa quatrième année. Hein. Donc, c'est il déjà prend pas mal. Du rebond, il a eu des minutes. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué autant avec les Knicks. Peut-être que l'année dernière, on a eu la belle surprise avec Juice McBride qui s'est révélé, qui a su saisir son opportunité, sa chance et prouver qu'il avait, un rôle qui pouvait être utile. Pourquoi est-ce que ça ne soit pas Jericho Sims qui prend rôle? Parce que voilà, on sait, les pivots, ça prend plus de temps, voilà. Patati patata. Vous connaissez l'histoire. Mais voilà, et à force d'avoir des responsabilités qui lui sont données. Et s'il était là, en fait, hein, pourquoi on irait chercher quoi que ce soit? Un Kessler. Peut-être que le front office se dit justement, on va aller chercher, tu vois, on parlait des rumeurs avec Marcus Smart et Trey Murphy 3. On se disait, bah, tu vois, pourquoi un poste dans le bas court? Ben parce que peut-être qu'ils ont vu que Jericho Sims, finalement, ça serait lui le... Il peut faire plus que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Peut-être que... Voilà. Alors, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'en effet, il va se fermer ma grande gueule. Évidemment, je serai agréablement surpris. Voilà, son premier supporter à son premier 3 points. Moi, de toute façon, j'ai une théorie. Hein. La théorie, c'est qu'il marquera le 3 points au buzzer du Final 7. Du match 7 des fils à NBA, et c'est lui qui nous donnera le titre. Vous l'avez entendu ici en premier le 7 octobre. Voilà. Je pense que ça n'arrivera jamais, spoiler. Par contre, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, puis je pense que ça sera un petit peu la fin de notre c'est pour ça que je n'ai ce match-là. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. C'est Landry Shamet. Landry Shamet, qu'on a pu voir aussi un peu à l'utilisation. C'est que tu voulais parler de play. On va y venir aussi. Oui, il y a plusieurs joueurs en fait dont on pourrait parler. Mais effectivement, ces matchs de pré-saison, c'est l'occasion de voir, de tester des combinaisons, de voir un petit peu les systèmes. Et Landry Shamet, il nous a montré que c'était un shooter qui avait encore du shoot, qui avait une capacité d'apporter du spacing. Landry Shamet, il n'est pas vieux du tout. Non, mais c'est des joueurs dont on a l'impression, en passé d'une équipe à l'autre, qu'ils sont dans la ligue depuis des nombreuses années. Il est en contrat Exhibit 10, donc lui a un contrat à aller chercher. Et voilà, Tom Thibodeau l'a fait jouer. C'est un des joueurs qui est sorti du banc assez vite. Là où Chuma Okeke est arrivé un peu plus tard. Il a eu beaucoup de minutes. Il a eu pas mal de minutes. Ça a été le joueur avec le plus de minutes. Il en a eu 27. Et il termine avec 16 points. Donc c'est que voilà, il a su contribuer dans ce match de pré-saison. 4 sur 8 à 3, 4 rebonds, 2 balles volées. Écoute, voilà. Non mais match solide. Je pense que lui peut aller chercher peut-être le trou qu'a laissé Dante DiVincenzo. Je ne dis pas qu'il va nous faire du Dante, mais ça a toujours été un joueur quand même fiable à 3 points. À 3 points. Donc, à 3 points, il tourne à presque 40% en carrière. Donc, c'est quand même un joueur fiable à 3. Mmh. Donc, pourquoi pas? En tout cas, hier, il a montré des choses qui, je pense, vont plaire à Thibodeau. En second unit, on sait que ce spot-là de shooter avec les pieds dans le ciment, c'est ça qui va peut-être nous manquer, parce qu'à un moment donné, ce mec à 3 fiables ou ouverts, tu sais qu'il va te les mettre. Dante l'a fait à merveille l'année dernière. Et ben peut-être que Landry Shamet Dante l'a plus fait dans le starting 5 après les ajustements et autres. Là où on avait un manque d'apport offensif en sortie de banc par la seconde unit, donc il y a besoin de shooter. Shamet a toujours été plus ou moins un remplaçant dans sa carrière. Voilà, mais si c'est un remplaçant qui nous apporte 8 à 10 points les bons soirs, ben c'est toujours ça à prendre. Lorsque McBride sera un peu attendu, lorsque McBride sera un peu moins en réussite. Tu sais, le gros 3 qui te change le momentum, quoi. Le gros 3 qui te fait recoller au score et puis là, l'équipe reprend le score. Ouais, même si on devrait toujours être devant au score. Mais bon, en tout cas, je vois dans l'esprit le côté joker offensif. en Moi, je sortie de banc dis qui peut être intéressant. pourquoi pas. Alors, c'est quand même un match de Ah, excuse-moi. pré-saison, comme on dit. Après, c'est un Oui, joueur qui a quand pas même. de conclusion hâtive sur un match de la sorte. Après, c'est quand Exactement. même un joueur qui a quasiment 350 matchs NBA. Voilà. Donc, il a quand même quelques références. On n'est pas en train de parler du rookie qui a connu le garbage time de fin de saison parce que l'équipe tankait. Là, c'est quand même un gars qui est passé, entre autres, par les Clippers, par Philadelphie, par Phoenix. Donc, dans des équipes qui Crédible. ont toujours cherché à avoir du résultat. Et il avait ce rôle de sortie de banc d'artilleur. Donc, écoute, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'étais pas. Quand on l'a récupéré avec ce contrat Exhibit 10 ou Exhibit 9, j'ai dit, oh bah tiens, pourquoi pas, bonne pioche. C'est un joueur que tu vas te payer finalement très peu cher pour une saison. Tu vas l'avoir un minimum vet. Et qui peut être, pour le prix là, et par rapport à la rentabilité, peut être une excellente piote. Et pas mal d'équipes, pourquoi pas, pourraient se dire, ah Metz, on a raté Chamet, quoi. Il était là et Attention, après, rien n'est fait, son contrat n'est pas Alors, garanti. Pour l'instant, il ne fait pas partie de il l'effectif n'est pas définitif. signé, même s'il y a encore une place au roster, il n'est pas signé, exactement. Mais cependant, il fait tout pour avoir ce Pour se prix. montrer et avoir un contrat. Est-ce que ça Maintenant, sera à New York ou est-ce que ça sera auprès d'une autre équipe? À voilà, voir. en tout cas, Mais pour en tout cas, l'instant. sur cette première sortie, c'est une belle sortie de En sa tout cas, part. pour l'instant, il est lié au Knicks par ce contrat-là. Ouais. À voir, mais moi, je me dis que je sens la pérennisation de ce contrat. Après, voilà, mais c'est de mon avis. Et Je pense qu'on va appeler Léon après pour savoir. Mais le second autrement, le joueur, dernier. Ouais. dont on peut parler, et qui lui aussi sera dans une autre quête. Alors, Chamette, lui, dans la quête du contrat, ben celui qui sera dans une autre quête, dans une quête de minutes. Ça, c'est notre ami donc Tyler Kolek, le rookie drafté en second tour. D'ailleurs, les Knicks sont montés en draft pour aller le récupérer et ils lui ont filé un contrat. Il faut pas oublier ça. Ils l'ont Ouais. re-signé. Ils l'ont signé pour 3 ans, je crois, ou 4 ans. Donc donc en tout cas, ils ont des intérêts à vouloir le conserver. Et quand il est rentré, première chose, boum, 3 points qui rentrent direct. Et seconde grosse action importante, Passe décisive. il met un contre, et après d'ailleurs en transition il marque le 3 points. Et là bon, Oui, il n'en faut pas plus pour taper il y dans a eu l'œil. aussi un beau service pour Precious Achiuwa dans la raquette. Il y a C'est eu un des joueur ballons qui a une volés, belle, il y a eu. une belle vision de jeu et effectivement ça devrait plaire en termes de défense. On savait que c'était pas un gros défenseur, Mais mais voilà. écoute, il a montré plusieurs choses. Comme je te dis, il est arrivé à voler 2-3 ballons. Je vais te donner ses stats. À la Oh, création, intéressant. on est sur un joueur qui en 14 minutes. A shooté donc à 3 sur 5 à 3 points, donc fini à 11 points. Il a fini avec un rebond, une passe, deux vols de balle et un bloc. Écoute, Plutôt pas mal. en 14 minutes, c'est plutôt une ligne de stats qui est bien remplie pour le faible temps de jeu qu'il a eu. Et moi, je me suis dit, attends, parce qu'il a eu un rendement similaire, voire même meilleur finalement, presque que Cam Payne. Donc bon, on ne tire pas Il y des aura plats. peut-être concurrence entre les deux. Il On y a un tire pas encore rookie, des il y plans sur la a un fourchette. vétéran. Je pense que Cam Payne a ce poste-là de backup qui lui est pour l'instant réservé. Et je pense que Thibodeau est un entraîneur suffisamment intelligent et j'ai pas la prétention de lui donner quoi que ce soit comme Comme conseil. conseil. Mais je pense que voilà, il sait ce qu'il fait. Mais il faudra pas faire les étonner si à un moment donné dans la saison, on se Il retrouve met un à. passe devant l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas comme si Tibbs l'a pas fait, hein. C'est pas comme si Tibbs l'a pas fait. Ben déjà, Evan pour Grimes, Grimes pour Dante. C'est pas comme s'il avait pas fait des changements comme ça. Ou à un moment donné, ben, Quickly a eu plus de temps de jeu par rapport à Derrick Rose qui était sorti de la rotation. C'est pas comme si à un moment donné, il sait pas s'ajuster. Même si des fois on entend un peu tout et n'importe quoi raconter sur Thibodeau en disant qu'il ne fait pas jouer les jeunes, je tiens à dire tout de même que il a la. Alors, Obi Toppin n'a pas eu la carrière annoncée comme il aurait souhaité au Knicks parce que ben il y a eu Julius et sa rédemption. Mais IQ a eu de grosses minutes. On a eu Grimes, Grimes qui a pris la place de Evan. On a eu un Juice McBride qui a été lancé et qui a montré de très belles choses. Sims, mais ben, n'empêche que Sims, il lui fait toujours confiance. Hein, dès qu'il y a un truc, ben, il le fait rentrer. Donc dire que Thibodeau n'aime pas les jeunes, c'est de la connerie. Non. simple. C'est et du cliché, ça. Pur et simple. C'est des trucs de référence de basketix. Ouais, mais c'est des trucs de basketix. Voilà, tu l'entends. Parce que voilà, je reste sur. J'ai entendu dire ça, donc je vais le répéter. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant, donc il faut des fois remettre un peu la pendule à l'heure. C'est la désinformation, c'est des fake news. Voilà, ou alors regardez les matchs des Knicks et puis faites-vous un avis plutôt que de répéter les choses bêtement. Maintenant, ça c'était histoire de dire la chose. Si Colec continue sur cette lancée-là et être pourrait grappiller du temps de jeu et être focus, on sait qu'à un moment donné la rotation sera à 9 côté Knicks. Ouais, il pourra grapper des places dans la rotation, donc attention, il y aura des blessures, il y aura des choses d'effet de jeu. Ouais. Il pourrait se montrer plus vite qu'on ne le prévoit. Sa chance. Tu te rappelles il y a 2 ans quand on voulait que Grimes soit lancé. On se disait, Grimes, on voulait qu'il ait sa chance. Et dans la saison, à un moment donné, il l'a eu et il a su la rendre. Écoute, alors là, on n'est pas sur une place de starter, on n'est pas sur une demande de place, parce que le 5 est trop gros et trop haut niveau par rapport à lui. Mais il peut très bien, il va y avoir cette bagarre pour la seconde unité. Et le petit Tyler, en tout cas, qui avait montré de très belles choses en Summer League, montre encore une fois de belles choses. En NCAA aussi, il a un beau CV. Ouais, un beau palmarès. C'est un des joueurs qui a eu le Big East Player of the Year avec Jalen Brunson, Josh Hart et donc Tyler Colley. Donc, il a quelques références malgré son jeune âge. Laissons-lui un petit peu de temps et voir ce que les Knicks arrivent. Si Léon Rose conseiller, parce qu'on sait très bien que la draft, il est là partout, Tom Thibodeau. Et s'ils sont montés pour lui, alors on parle de monter pour lui au second tour. C'est pas anodin. Derrière, de s'engager sur lui sur le long terme, c'est que les Knicks, en tout cas, ont eu intérêt à vouloir le conserver parce qu'ils ont décelé chez lui quelque chose qui pourrait être sympa. Et rappelons-nous que Jalen Brunson est drafté également au second tour, un peu dans l'anonymat le plus complet, et au fur et à mesure, et d'ailleurs il y avait eu ce parallèle-là qui avait été fait immédiatement avec Tyler Colec et sa draft. Je ne dis pas qu'il aura la carrière de Jalen Brunson, loin de là, on est encore beaucoup trop loin, et il n'a même pas encore une minute officielle de NBA. Je dis juste qu'il y a des fois, souvent maintenant, des bons coups à faire, des bonnes opérations. Des bons coups à faire en second tour, et peut-être que Tyler Colec pourra être, je dis bien au conditionnel, pourrait être un de ces bons coups. MVP. MVP. MVP de, voilà. MVP de, summer, de G-League. Voilà. Bon, allez, on a beaucoup... Finalement, on a beaucoup parlé sur un match. On va pas tirer d'enseignement tout de suite. Qu'est-ce que ça va être sur la saison? Non. On fera plus court. Voilà. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Sur un match, là, beaucoup d'observations. Et puis, on sera là. Encore 4 victoires cette semaine. Bon, qu'est-ce que t'as à dire? Bon, pas grand-chose. On a été énorme. Bah oui. Bon, allez. C'est qui ton Knicks de la semaine? Bon, voilà. Allez, bon, bisous à tous. Tu vois, bon. Voilà, Tu penses qu'on perd cette saison? Je vois pas qui. Bon. Allez. On va regarder le programme de la semaine. Parce que oui, les Knicks ont joué cette nuit. Mais il y a quelques matchs qui nous attendent cette semaine. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc, on regarde ça. Et puis, on va se projeter un petit peu. Oui, on va se projeter un petit peu sur la saison, justement. Allez. On regarde ce qui se présente sur le programme des New York Knicks cette semaine. Et oui, les Knicks sont de retour au jeu, même s'ils s'entraînent, même si les rotations sont un petit peu suspectes, il y a des temps de jeu. Tom Thibodeau qui fait jouer plus de 5 joueurs, est-ce que c'est normal? Mais non, c'est la pré-saison. Mais voilà, cette semaine, il y aura encore 2 matchs au programme. Les Washington Wizards vont se déplacer au Madison Square Garden. Oui. New York revient jouer à la maison. Alors, est-ce qu'ils gardent le training camp en Caroline du Nord, du Sud, là? Bon, je sais pas, peut-être faire jouer dans l'installation de James Dolan, quand même. On l'a fait déjà racasser cher, c'est pas pour avoir en plus... Bref, des notes d'hôtel farfelues. Washington Wizards, on va retrouver Bilal Koulibaly, on va aussi retrouver Monsieur Sarr, le numéro 2, le pick 2 de la draft en cours. Donc ça va être une autre opposition. Kyle Kuzma, Jordan Poole, qu'est-ce qui reste? Corey Kisper, il joue toujours à Washington. Bon, Washington, ça sent pas non plus le gros projet, la grosse ambition pour cette saison. Evan Fournier avait lâché comme quoi cette équipe souhaitait le recruter, mais ça sentait bon le tanking, ça sentait fort le tanking. Donc voilà, la pré-saison des Washington Wizards, je crois qu'ils ont commencé, ils ont dû jouer un match, j'ai pas suivi leurs résultats, j'avoue que je me suis concentré un peu plus sur les New York Knicks. Il y aura moins d'ambition, est-ce qu'ils vont vouloir tester beaucoup de joueurs? Ça, à voir. Il y a Jonas Valanciunas qui est arrivé là-bas, donc ça va faire une opposition de style avec Karl-Anthony Towns ou Jericho Sims, hein. À voir si, si Tom Thibodeau fait jouer d'autres joueurs, est-ce qu'il va faire jouer tu le, dis, quoi. Le rookie? Ou Jericho Sims? En fait, on ne sait pas. Sur ce premier match, il y a eu quand même pas mal de parler quand même du MVP des finales NBA quand même là. Donc, doucement, doucement quand même. Ça, c'est dans tes rêves. Ça, c'est dans tes rêves. Donc voilà, ça sera le premier match. Ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, premier match au Madison Square Garden. On peut s'attendre à un bel accueil du public. Là où à Charlotte, c'était un peu clairsemé dans les tribunes. Il y avait pas mal de New Yorkais. Ouais, hein. On sait qu'il y a souvent beaucoup de New Yorkais à Charlotte. Ben là, il y aura beaucoup plus de New Yorkais à New York, c'est certain. C'est toujours sympa de débuter aussi la saison. Et ça fera sûrement le petit mot du capitaine dans le rond central avant le match. Mais voilà, premier match au Garden pour ces nouveaux Knicks. Ils vont sûrement jouer en blanc, enfin je suppose. Ils jouaient en bleu à l'extérieur. Donc ça sera une autre occasion de les voir avec leur jersey à domicile. Bon, ça reste de la pré-saison, il n'y a pas d'ambition, on gagne ou on perd, peu importe, tant que les joueurs jouent. Est-ce qu'on verra Paco Mdadié? On ne l'a pas évoqué, mais le rookie sélectionné au premier tour n'a pas joué sur ce premier match. Il est jeune, c'est certain, mais bon, lui a son contrat garanti, certes, peut-être que son objectif, enfin du moins l'objectif du coaching staff, c'est de l'envoyer en G-League se parfaire en son éducation. Il aurait dû accepter d'être staché. Je rappelle, être staché, c'est être conservé dans une équipe en Europe et après d'ailleurs on te fait revenir, ton contrat de toute façon est garanti. Le niveau est quand même bien plus élevé en Europe qu'en G-League. Il va connaître trop la G-League et pour un joueur de ce niveau-là, la G-League c'est quand même, c'est pas là où tu te développes quoi. Il aurait été mieux en Europe avec des vraies confrontations, avec des vrais matchs contre des grosses équipes, contre des, voilà, dans un vrai niveau. Là, il va connaître la G-League. Je suis pas fan de se dire. Enfin, je pense que après c'est de mon avis, mais de se dire non, j'ai un contrat NBA, j'y vais. Alors après, oui, peut-être qu'il se dit, bah, c'est pour pas être oublié. Peut-être que tu te dis ça, mais d'un autre côté, il a 18 ans, il faut qu'il joue quoi. Si à 18 ans tu joues pas. Il va jouer en G-League contre d'autres mecs qui ont des niveaux pitoyables et il va faire des cartons et on le voit les mecs qui partent en G-League, ils font des cartons et quand ils reviennent en NBA ça arrive pas, ça arrive parce que le niveau est tellement élevé par rapport à la G-League. Comme McBride. Eh ouais, non mais voilà. Donc, McBride a rongé son frein avant d'avoir. Ouais, mais McBride c'était un second tour de draft. Ouais. Là, on est sur un premier tour de draft, c'est pas la même chose. Mais à voir justement s'il a l'occasion de sortir sur le prochain match. Ouais. Tom Thibodeau pourrait faire tourner un peu son effectif. Après, on a vu les qualités de Landry Shamet. Est-ce que c'est suffisant après, pour lui faire un contrat ou... À sa décharge, c'est un 3 et on a un déficit d'ailier. Alors, est-ce qu'en effet, ouais. Ils vont pérenniser le contrat? Peut-être quelque chose à jouer. Est-ce qu'en effet, ils vont pérenniser le contrat de Shamet et on jouera small ball en second unit? Ou est-ce que. Mais bon, Colec a été lancé, pas Dadier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est aussi une remarque, un enseignement, une observation du moins de ce premier match. À voir sur le second justement si les joueurs qui n'ont pas joué, tu parlais de Sims en rigolant par rapport à ce que je disais, mais effectivement l'autre rookie qui porte le numéro 55, Hugues Porty, pourquoi pas pourrait-il avoir un peu de temps de jeu aussi pour être testé en compétition. Et Macular aussi. C'est des rookies. Ils sont blessés ou je sais pas, il y a Macular aussi. Je sais pas, en tout cas il était en tenue lui pour le Media Day. Hashtag Mitch, you see me. Bon, ça sera le premier match. Le second match, ça sera toujours au Madison Square Garden. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Ah. Et là, ça sera la réception des Minnesota Timberwolves. Voilà. Est-ce qu'on aura le droit à le premier match de Julius sous ses nouvelles couleurs? Il était annoncé comme un peu en retard sur le training camp pour reprendre la compétition. En tout cas, Dante, lui, a repris. On aura peut-être un accueil du public chaleureux pour ces deux joueurs. Et pourquoi pas, une petite vidéo hommage. Ou alors, on se garde ça pour la vraie confrontation ouais, à la saison. À voir. En saison régulière, je pense. À voir. Pas sûr. Ah ouais. Oh non, là, ça serait vraiment dans l'anonymat de match c'est de pré-saison. Pas l'anonymat. Le Garden sera plein, quoi qu'il arrive. Mais je sais pas. Non, moi, je pense qu'il faut le hasard du calendrier qui a fait que... Moi, je pense qu'il faut le réserver pour le vrai match. En même temps, ils reviennent. Pourquoi attendre pour les remercier alors qu'ils sont là? pour qui un vrai impact. Là, c'est même pas. Enfin, c'est retransmis sur les télés locales. Enfin, non, je suis pas. Moi, je pense que le Minnesota Knicks. Alors, il faut les huer. On les a eu sur le premier match. Je pense qu'il sera en antenne nationale, je pense. Tu verras. Je pense qu'il va être réprogrammé qu'il sera en antenne nationale. Ça sera peut-être l'enjeu du match. Est-ce qu'il y aura un moment. En tout cas, pour sûr, il va saluer les copains. Il va peut-être pleurer dans les jupes de JB en disant « Mais non, mais j'étais très bien, moi. » En tout cas, dompté à jamais, recordman du monde des 3 points au Madison Square Garden. Ça, c'est sûr, ça lui appartient jusqu'à ce que quelqu'un vienne enlever cette marque. Ça sera peut-être Karl-Anthony Towns. En tout cas, voilà, ça sera une rencontre un peu particulière, chargée d'émotions pour les deux équipes. Donc on sait que Karl-Anthony Towns quitte les Knicks pour la prochaine saison, alors. C'est pas le plan, c'est pas ce qui est prévu. Non mais voilà, avec la malédiction du record, tu prends le record, alors tu restes. Mais tu dégages. Tu prends le record, mais tu dégages. Bon, avant de vous parler de nos projections un petit peu sur les rotations de Tom Thibodeau, bon, deux petits matchs, on va regarder ça avec un œil attendri par rapport à justement ces joueurs du banc, qui va jouer, qui va pas jouer, peut-être que les starters certains seront laissés au repos, on verra, il y a eu une petite légère alerte de OG Anunoby lorsqu'il est un petit peu tombé, on a toujours peur avec OG, hein, et on sait qu'il est un peu fait en fibre de verre, et que le verre c'est fragile, donc voilà, mais... Voilà, c'est surtout les rotations qu'on va regarder. Est-ce que les belles performances de McBride, de Kolek, est-ce qu'elles vont se réitérer? Est-ce qu'au contraire, Chamet va être un petit peu en difficulté d'adresse? Est-ce que son contrat va être vite garanti? Ça va être un petit peu ça l'enjeu de cette pré-saison, au-delà de commencer à revoir les Knicks jouer ensemble et quelques automatismes s'installer, retrouver aussi de la réussite à 3 points. De la défense peut-être à resserrer, parce qu'on a quand même pris pas mal de points en premier quart-temps face aux Hornets. Ouais, c'était un hall de garde. On est censé avoir des joueurs qui sont à des profils élevés en termes de défense avec Mikal Bridges et OG Anunoby et Josh Hart. Donc voilà, il va falloir un petit peu continuer cette phase de rodage, tant offensivement que défensivement, même si offensivement, il n'y avait pas trop de choses à dire sur ce premier match. Donc voilà, t'attends un des deux matchs un peu plus que l'autre ou... Dompté, tu veux pas le saluer, tu veux pas le remercier non, maintenant bah, tu attends surtout les Wizards, c'est ça hein. Ouais, pour voir les Français, pour voir cette opposition. Là, je vois Dadier contre Koulibaly. Ouais, je vois que tout le monde s'excite sur le premier match de Bilal Koulibaly et de Alexandre Sarr. À voir, hein, ça reste des matchs de pré-saison. Comme tu dis, hein, les défenses sont moins resserrées, ça joue moins dur, on ne veut pas se blesser tout de suite en tout cas. Les starters n'ont pas de gros temps de jeu, c'est un peu partout le même cas de figure. Donc forcément les lignes sont plus ouvertes, on peut plus facilement scorer. Spoiler, si Miles McBride finit la saison avec 22 points de moyenne, bon ben filez-lui le titre de MVP, je crois, hein, c'est clair. MIP. Sixième homme de l'année. MIP, sixième homme de l'année et un contrat sur 5 ans au max du max quoi. Mais c'est vrai que parce que là, moi ça va être plus le match de saison régulière. Pour les Timberwolves qui va me hyper parce que c'est là où il y aura le plus d'émotions. Là, c'est de la pré-saison. Même pas sûr qu'ils jouent finalement. Tu vois, peut-être qu'ils vont être mis de côté exprès pour garder le truc. Donc, voilà. Ouais, c'est plus les Wizards. Ok. Ok. Bon, moi, je regarderai les deux matchs, mais sans trop de... Bah, tu me poses une question. Tu me dis lequel te hype le plus. C'est ça ta question. Les Wizards. C'est beau d'être hypé par un match des Wizards. Après, on le dira peut-être pas une autre fois dans la saison. Donc, il faut en profiter. Calendrier est fait de ça. À choisir, c'est lequel qui te hype le plus alors. Peut-être un peu plus les Wolves. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Parce qu'il y aura cette fibre. Voilà. Et il faut... Bon, on spoil sans rien spoiler, puisque de toute façon, le calendrier est déjà connu. Mais la semaine prochaine, on aura qui au programme? On aura les Hornets et les Wizards. Donc, bon, on va retrouver un petit peu tout ça. Si t'es hypé par les Wizards, t'auras une double dose la semaine prochaine. Ah, je suis hyper hypé par les Wizards. Allez, on va aller un peu, pour finir cette émission, sur nos petites projections, parce que c'est le début de saison, tout le monde y va un petit peu de ses projections. On va le faire en deux temps, on va faire déjà une projection sur, tout simplement, les rotations. Bah oui, parce qu'il y a eu des choses d'affichées, mais peut-être que des choses vont changer. Donc, comme on vous le fait un peu chaque saison, on vous fait nos deux line-up, la first unit et la seconde unit, par mois, Joe. par Seb. Chacun a fait un petit peu son exercice. Bon, il y a un peu consensus, quoique on s'est aussi posé la question par rapport au rôle et au retour de Mitchell Robinson, s'il revient. Hein, parce que comme il a boudé pour le Media Day, peut-être que... Hein, comme il est dans les rumeurs de trade depuis un moment, peut-être que... Bon, en tout cas, en l'état actuel des choses et des effectifs, avant de connaître aussi les ultimes décisions du training camp, qui va être conservé, qui va être coupé, on a fait cet exercice et on est plutôt d'accord sur le poste de meneur titulaire. Jalen Brunson devrait être meneur titulaire cette saison, ouais. Sauf blessure. Hein, c'est a priori le poste qui fait l'unanimité. Alors, si tu commences à mettre le capitaine sur le banc, on n'a pas fini. Ah, bah après, on a vu un Taj Gibson à Charlotte hein, qui pourrait des fois endosser ce rôle de capitaine et un joueur du banc. Là, j'ai mis la sauce à. Bon, bref. C'était les Hornets. Plutôt, voilà, pour faire le backup, qui comme backup, eh ben, on voit plutôt tous les deux campaign. Ouais, ça. Alors, bien avant, on a fait cet exercice avant de voir le premier match de pré-saison. Forcément, on a évoqué le sort, l'avenir de Tyler Colec. Est-ce qu'il peut gravir un échelon dans la hiérarchie et piquer cette place à campaign? Eh bien, ça sera tout l'enjeu de sa saison rookie. Ça sera gagner du temps et de monter. C'est tout ce que je... Moi, je préfère le voir dans la seconde unit. J'aimerais beaucoup, en effet, que Tyler collecte et les minutes de campaign. Mais après, derrière, on fait une prédiction. Donc, la prédiction, on est tous les deux d'accord pour dire que bah, normalement, c'est campaign qui va avoir ses minutes, en tout cas pour l'instant. Quoi. Parce qu'il a ce rôle un peu plus de vétéran, un peu plus d'expérience. Il a aussi cette alchimie qu'il pouvait avoir avec Mikal Bridges sur ses quelques saisons à Phoenix. Donc voilà, c'est ce qui nous fait dire. Et moi, je dis que rien ne garantit qu'il soit encore là en début d'année prochaine. Enfin, en tout cas, là, il est obligé parce que bah, t'as les contrats signés sont là jusqu'en janvier. Mais après, rien ne garantit qu'en janvier. Voilà. À voir, affaire à suivre. Après, on est d'accord qu'il y aura des rôles de titulaire pour Mikal Bridges et Ojinanobi. Tout va dépendre de qui on positionne au poste 4 et 5. Karl Anthony Town va être titulaire. On n'a pas fait ce genre de trade pour mettre ce joueur sur le banc, clairement pas. Il y aura peut-être des épisodes où il y aura des blessures. Et à ce moment-là, il faudra trouver les solutions de secours dans les backups qui sont. Il y aura des blessures. Effectifs. Tu vois, bon. Après, la question, si Mitchell Robinson revient, si Mitchell Robinson est en forme, est-ce que Mitchell Robinson a vocation à être le pivot titulaire et décalé 4 au poste 4? Ça, c'est la question. Toi, tu serais plutôt de cet avis, de cette projection. Enfin, quelle réflexion tu as par rapport à cette association Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns dans une même line-up? Ben, comme tu as dit, en fait, on a fait ça hier. On s'est échangé les choses avant de voir le match. Et quelque part, quand j'ai vu le jeu de Karl Anthony Towns, ça m'a quelque part plus convaincu de me dire il lui faut un intérieur. De métier à ses côtés, un métier, un pivot, ouais. À ses côtés, un pivot à ses côtés qui va le décharger de ce rôle et qui va nous gober parce que on a quand même pas mal de shooters, donc ça serait bien d'avoir un mec à l'intérieur qui peut essayer de récupérer les ballons qui ne rentreront pas. Donc c'est vrai qu'au retour de Mitchell Robinson, on sait que Mitch est un excellent rebondeur offensif, hein. Avant sa blessure, c'était le meilleur. Donc moi, et puis pour que ça fasse la conversation. Je dis que au retour de Mitchell Robinson, je le vois bien donc décaler Karl Anthony Towns en 4 et récupérer sa place qu'il avait laissée à Hartenstein de pivot titulaire. Et donc en fait, ben, on aurait un Hart qui sortirait du banc, qui serait le sacrifié, qui sortirait du banc. Alors c'est pas parce qu'il sort du banc qu'il a plus de minutes. Ça peut être un mec qui sort du banc et qui a 30 minutes. Hart a cette faculté de pouvoir jouer 2, 3, voire même 4. On l'a même vu 4. Donc, Hart est un couteau suisse. Mais, allez, moi, je vois bien qu'au retour de Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns soit décalé dans ce poste 4 qui l'affectionne particulièrement. Et je pense que c'est là où on pourrait en tirer le meilleur parti. Ok, moi je ne suis pas forcément de cet avis, de cette projection-là. Je pense qu'effectivement, au regard de la blessure de Mitchell Robinson, qui devrait le refaire revenir que aux alentours de quoi, décembre, janvier peut-être, disent, ouais. S'il n'y a pas de move. Hein. Il y a un côté, il a été rétrogradé, la saison dernière de par Hartenstein. Là, on lui ramène un joueur profil intérieur. Si on remet aussi Karl-Anthony Towns dans un rôle de 5. de situation, de circonstance, et le refaire changer en courant de saison. Quoi qu'il arrive, il va stretch, Carl Anthony Towns, il va shooter de loin, il va avoir ses capacités de drive. Après, rien n'exclut que sur certaines séquences, je suis comme toi, comme je dis, j'ai mis cette line-up, c'est pour faire la discussion, mais je pense que cette configuration, on risque de la retrouver tout de même. Simi, comme tu dis, Simi, tu n'es pas tradé, mais je pense que cette configuration de Mitch 4 avec OG qui retrouve son poste de 3, je pense qu'on risque de sur certaines séquences où il faudra peut-être resserrer le jeu avec, tu vois, ben peut-être qu'on risquera de la retrouver tout en gardant du spacing. Voilà, moi je pense que ça va être des observations, mais après comme tu dis, hein, tu vois, en janvier, Mitchell Robinson, ben voilà, hein, on lui attache campaign à son contrat, et puis tu vas le trader pour aller récupérer, ben tu vois, Marcus Smart ou qui se lamente parce que finalement Ja Morant est reparti et à nouveau en strip club avec un flingue et à nouveau pistolet à eau. Voilà. Donc bon, on ne sait pas comment ça peut se passer. Une saison NBA, c'est long, comme tu as dit. Une saison NBA, c'est long avec des blessures. Mais je pense que cette configuration là, après, moi ce qui me dérange dans ce que je dis, c'est Mikal Bridges en 2. Ouais. Bon, on l'a vu hier. On voit plus comme un 3. Hier, on l'a vu. Et il était, c'était lui qui était en charge sur la Melo Ball. Ouais. Oui, mais parce qu'il a cette envergure qui lui permet, et cette mobilité qui lui permet aussi de gêner son adversaire direct. Là où Josh Hart, même s'il est très intense en défense, il est moins long quand même. Il est moins long. Il a un très bon sens du rebond, il a une très bonne implication, il a cette capacité à relancer aussi. Mais c'est pas tout à fait les mêmes profils. Comme McBride. Donc, McBride, pareil, c'est un bulldog. Mais plus court. Voilà, mais un peu petit, un peu sous-calibré. Mais je suis d'accord. Là-dessus, ils font avec les outils qu'ils ont en main. Alors justement, donc voilà, on voit tous les deux plutôt Campaign et Deuce McBride sur les rotations dans la seconde unit. Un Precious Achiuwa qui va avoir sa place. Ouais. Toi, tu mets du coup Jericho Sims. Moi, je remettrais Mitchell Robinson, tenter qu'il reste la saison avec nous. Et puis, c'est ce qui fait différence. Bah, finalement, c'est le poste d'ailier. Donc, toi qui décales Hart sur le banc de par la situation de Mitchell Robinson. Et moi, je mettais plutôt, et on en avait parlé un petit peu avant, pas comme Dadier, en disant, voilà, est-ce qu'il peut pas avoir cette carte à jouer? Ça sera pas, le sixième homme, clairement pas, mais en 8-9, cet ailier qui, à un moment donné, aussi comblera les trous sur quelques bouts de minutes, quelques bouts de match, quand Mikal, il manque aucun match. Mais quand OG va se blesser, bah, il faudra peut-être trouver un peu de minutes en relais sur les postes d'ailier. Donc peut-être qu'il aura des bouts de match. En tout cas, il a peut-être sa carte à jouer. Mais c'est pas gagné. Mais ça, ce qui est jeune, mais ça, le projet, il est peut-être à moyen terme. Mais là, notre projection, elle est faite sur les joueurs qui ont des contrats. Et pour l'instant, Landry Shamet n'a pas de contrat. Donc, est-ce que Landry Shamet va être devant dans la rotation de Pacom Dadier? Moi, je pense. C'est pour l'instant parti pour. Moi, je pense. Peut-être que les choses se débrideront au fur et à mesure de la saison. Après, à voir. Déjà, si Dadier nous fait un match à 15 points face aux Wizards. De toute façon, on sera vite fixé. Comme tu dis, il reste 3 matchs. Si sur ces 3 matchs, il n'a pas de minutes, ou vraiment très peu, c'est-à-dire, tu vois, s'il a 15 minutes au cumul sur les 3 matchs, bon, bah, tu sais que le type n'aura aucun rôle. La hiérarchie sera installée. Donc ça va être l'enjeu de ces matchs de pré-saison, c'est de voir un petit peu le positionnement des uns des autres. Qui est le premier à sortir du banc? Qui est le backup de qui? Et sur ces postes déliés, bah voilà. Aujourd'hui, Shamet sur le match 1 a pris l'ascendant. OKK, on verra, mais en tout cas, il a été testé. Il est lui aussi à la recherche d'un contrat. Ouais, est-ce que Dadier a pas été... OKK, pour moi, il passe pas le cut. Affaire à suivre. Ça, on le verra. Peut-être que déjà, dès la semaine prochaine, on aura l'idée de qui n'a pas passé. Et Jacob, alors? Jacob, on n'en parle pas. Eh bien, Jacob, on ne l'a pas positionné parce que finalement, on n'y croit pas. Le niveau, quoi. Lui et Sims, tu les mets en 4 et 5, t'es heureux. Hein. Non, mais ça, c'est... Ne tirons pas sur une ambulance. Ça, c'est pour les Westchester. C'est pour on les... ne peut pas avoir qu'une équipe de All-Star, c'est pas possible. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais, il y a à avoir une équipe de All-Star et avoir un niveau, quoi. Enfin, Le pauvre Jacob... Tu es dur avec Topin. Tu n'aimes pas sa petite moustache. Mais, si, bon. Plus, attends, il est tout mignon, là. Et c'est... avec son... On dirait son frère. On dirait son frère en plus jeune. C'est trop ça. Tu lui rases la tête. C'est la trombine à son frère. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais bon, son frère, il a un niveau de basket, quoi. Et lui, il a pas trop de niveau de basket, hein. C'est quoi, c'est ça saute pas tout de suite aux yeux, quoi. Voilà. Bon, vous connaissez le nouveau chouchou de Seb. Non, c'est Jericho. C'est Jacob Toppin, le double zéro. Et l'action, bon, allez. L'action d'ailleurs, c'est Jacob qui décale Sims, hein, dans le Game 7 des Philadelphia Eagles. C'est Jacob qui décale Sims, ouvert à 3, filoche au buzzer, on est champion NBA. Je ne sais pas de quoi tu parles, j'ai juste retenu champion NBA. Eh bien justement, on va finir cette émission par le traditionnel exercice des pronostics, alors pas sur la pré-saison parce que finalement, vous l'avez compris, on accorde plus une importance sur les rotations, sur qui va faire sa place dans l'effectif, comment vont s'installer les rotations, la hiérarchie, la distribution des minutes. Non, l'exercice qu'on va faire maintenant, on va le faire très facilement, très court, hein, pour ponctuer cette émission, déjà d'une bonne heure et demie, ça va être tout simplement notre projection. Où voyons-nous les Knicks à la fin de cette saison régulière? On parlera des playoffs quand ça sera le moment de parler des playoffs. Oui, vous voyez un visuel avec une bague de champion. Tout ça a été généré par de l'IA. Et il y a peut-être quelques mentions qui manquent, notamment l'année. Les Knicks avec les moves effectués cet été, avec l'utilisation de tous les assets qu'on a déjà évoqués, tour de draft ou joueurs majeurs, bah, se sont positionnés dans un rôle où il y a une ambition. Alors, est-ce que c'est un all-in sur une seule et unique saison? Peut-être pas. Peut-être que les Knicks ouvrent ou sont en train de poser cette fameuse fenêtre pour être des prétendants au titre, pour être des candidats à des finales NBA. Mais avant de parler de playoffs et de finales NBA, de candidats au titre, il y a une saison régulière à jouer. Il y aura 82 matchs, voire 83 si on remporte le tournoi de mi-saison là, à Vegas. Pourquoi pas, ça peut toujours être sympa. Mais c'est pas ça qui va fatiguer les joueurs de faire un match de plus. Mais cette saison régulière, au regard de la conférence Est, qui s'est renforcée avec certains joueurs, je pense notamment à Paul George qui est arrivé aux Philadelphia Sixers, aux Bucks, je pense à personne, aux Boston Celtics, bah, ils ont conduit l'effectif. Donc bref, au regard des effectifs et des forces en présence là, en ce 7 octobre 2024, au regard de ces quelques matchs de pré-saison qu'on a pu voir, des Celtics à Abu Dhabi par exemple, comment on positionne les Knicks dans cette hiérarchie? C'est quoi le spot d'arrivée des Knicks? C'est top 1, top 2, top 3, top 4, top 6? C'est play-off, c'est play-in, c'est quoi? C'est quoi, Seb? C'est loterie? On joue le first pick de draft? Ouais, on joue Cooper Flag ou pas? Est-ce qu'on joue Cooper Flag? Voilà, il va falloir se jeter cet exercice. Alors, il y a des insiders, des journalistes, des observateurs de la NBA. Certains y croient beaucoup aux Knicks. On prend ça Brian Wilsdorf, qui dit qu'on n'a jamais vu un effectif des Knicks aussi fort, aussi talentueux, aussi deep. Je ne sais pas. À voir, la profondeur du banc est quelque chose qui a pu faire parler, qui sera peut-être aussi un élément à rectifier ou à compléter en courant de saison avec des moves d'ici la trade deadline. Mais on se rappelle aussi que les Knicks ont terminé deuxième. C'était les dauphins des Celtics en saison régulière la saison dernière. Un peu à la surprise générale et parce qu'ils se sont montrés réguliers, eux. Là où Philadelphie, avec les blessures, ont dû rétrograder en courant de saison. Là où Milwaukee, la mayonnaise, la sauce n'avait pas forcément si bien pris que ça avec l'arrivée de Damian Lillard et le changement de coach en courant de saison avec Doc Rivers qui avait remplacé je ne sais plus qui d'ailleurs. Bref, où est-ce qu'on voit finir les Knicks? On peut après parler d'un rapport victoire-défaite. La saison dernière, on était enfin à une saison à plus de 50 victoires. Cette saison, on voit les Knicks comment finir comment? Moi, tu te lances? Je me lance? Vas-y, comme tu veux. Vas-y. J'allais juste reprendre une petite gorgée. Eh ben moi, je vais me lancer. Alors, la réflexion, elle n'est pas évidente parce que effectivement Boston, c'est l'équipe champion. Donc, il faut respecter le champion, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un côté on se repose sur les lauriers? Est-ce qu'il n'y a pas un côté on se fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas un côté des blessures? On l'a vu la saison dernière, les Knicks ont été largement frappés par les blessures. Ils ne sont pas non plus à l'abri d'avoir encore des blessures cette saison. Je ne le souhaite pas, clairement pas. Mais Boston, voilà, des fois, le champion se relâche un peu, et ça serait légitime, ça pourrait se comprendre. Il y a aussi l'absence de Porzingis, qui avait été peut-être pas préjudiciable en play-off, ils ont été jusqu'au bout. Certains disent qu'ils ont eu un parcours assez facile finalement pour aller décrocher leur titre, parce qu'ils ont rencontré des équipes un peu disséminées par les blessures. Le Heat au premier tour, ensuite au second tour, je ne sais même plus qui ils ont affronté, puis les Pacers avec un Haliburton qui s'est blessé. Bref, c'était peut-être plus facile que prévu, même si ils ont été chercher leur titre et ils sont champions, donc respectons-les pour ça. Mais je suis pas sûr et certain que les Boston Celtics terminent premier de la saison régulière. Ça sera pas forcément ça leur objectif pour eux. Mmh. Ils ont roulé sur la conférence et sur la ligue la saison dernière, mais est-ce qu'ils vont être capables de le refaire? Bon, à voir. Moi, je suis pas persuadé qu'ils terminent premier de la saison régulière à l'Est. Au global sur la ligue, ça on verra. Et ensuite, qui sont les gros adversaires, qui sont les gros challengers? Bah, on pense forcément aux Knicks, hein, parce que là, on a une équipe qui a armé son effectif pour avoir de l'ambition et ne pas se cacher derrière sur on verra. Les Knicks n'ont pas, les joueurs n'ont pas forcément parlé d'un objectif précis, dont Teddy Vincenzo avait lâché la chose avant de partir en parlant de NBA Finals. Donc clairement, l'idée c'est d'aller plus loin et de passer un cran et de passer ce second tour derrière lequel on bute depuis deux saisons. Mais ça, c'est pour les playoffs. Pour la régulière, il va falloir gagner des matchs, il va falloir se mettre en bonne configuration, il va falloir aussi envoyer des messages par rapport à ses adversaires. Et ses adversaires, c'est qui? C'est donc les Celtics. Ça tombe bien, l'opening night, on joue contre eux. Et semble-t-il, on va être au complet, même si Mitchell Robinson va manquer. Mais en tout cas, dans les joueurs majeurs, il y aura un effectif au complet, là où les Celtics ne le seront pas. Donc je pense que les Celtics vont peut-être prendre un peu de retard, pourquoi pas, à l'allumage. Et ça pourrait leur coûter cette première place. Donc je ne vois pas les Celtics finir premier. Est-ce que je vois les Bucks finir premier? Clairement pas. Clairement pas, même s'ils ont peut-être un côté revanchard. Mais Giannis Antetokounmpo a dit, voilà, j'ai pas trop fait un été avec Damian Lillard, donc bon, et un effectif vieillissant aussi, peut-être que la fenêtre de tir se referme pour eux, peut-être que la pression du résultat va se montrer. J'ai du mal à croire en ces Bucks. Alors après, la question, c'est, est-ce que les Sixers sont mieux armés, sont plus armés, sont plus forts que les Knicks? Est-ce que les Knicks peuvent aller chercher cette première place? Ça serait beau d'aller chercher la première place. Après tout, on était dauphins. Mais il va falloir montrer de la régularité. Et là aussi, les Knicks, comme les Sixers, bah, c'est des équipes qui connaissent des blessures. Donc moi, je pense qu'on va finir 1 ou 2. Je ne sais pas si on va finir top 1. Oh. Mais je nous vois sur le podium, sur les deux, une des deux premières places. D'accord. Et ça sera l'équipe qui sera finalement la plus... comment dire, qui aura fait moins de blessures, qui sera montrée plus régulière, qui n'aura pas eu de blessures majeures. On sait que Joel Embiid, c'est compliqué les saisons... à enchaîner. Il a eu un été un petit peu alors compliqué, chargé. Il semble-t-il a perdu du poids, mais il a eu un été plutôt bien rempli avec Team USA. C'est pas le joueur qui nous a plus fait faire des éclats d'impression sur son niveau, hein, mais en tout cas, il a pas eu un été reposant. Est-ce qu'il va faire une saison régulière d'un calibre MVP? C'était le MVP sortant avant de se faire remplacer par Jokic. Mais voilà, en tout cas, c'est des candidats déclarés. Et moi, je pense que ça se jouera entre voilà, ce trio Knicks, Celtics et Sixers. Qui aura le plus de régularité, le plus de constance? Qui va être le plus ménagé par les blessures? Voilà. Peut-être que ça sera les Knicks. Et auquel cas, si on termine avec le spot 1, l'ambition sera encore plus grande. Et on aura envie, bien sûr, de défier et de faire tomber les Celtics de leur titre de champion. Mais je nous vois finir 1 ou 2. Allez, n'ayons pas peur, je nous vois finir 1 ou 2 en espérant que les blessures appartiennent au passé, que OG Anunoby nous fasse aller 65-70 matchs, que Karl Anthony Towns en fasse autant, que finalement Tom Thibodeau arrive un petit peu à gérer cet effectif sur la longueur et ne pas user trop les joueurs. On a aujourd'hui un effectif assez deep tout de même. Le banc mériterait d'être renforcé, mais tout de même, on voit qu'il y a des joueurs qui peuvent compter, qui peuvent avoir un rôle. Donc ça devrait nous permettre d'aborder cette saison régulière avec un bon bilan. Et ouais, un ou deux. Et même certains parlent de Tom Thibodeau, coach de hier à la fin de la saison. Donc moi, je nous vois finir un ou deux avec un bilan de... Allez, 55-58 wins, quelque chose comme ça. Ça serait pas mal quand même. Voilà pour moi, Seb, 57, sur mon argumentation. Ah ouais. Ouais, il en faut peut-être un peu plus. Il en fait peut-être un peu plus. Il faut peut-être frôler les 60, mais 60, ça fait beaucoup. On n'est pas habitué à ça. D'accord. Mais début de saison, hype, objectif. On ne peut plus se cacher maintenant. C'est bien de passer des tours. C'est bien de s'inscrire durablement en play-off. Mais clairement, on a un objectif qui doit gagner des matchs. Qui doit gagner des matchs par des adversaires directs. Et les bookmakers placent les Knicks plutôt bien. On a un effectif qui mérite justement d'être respecté. Il va falloir... que la sauce prenne, mais il y aura des blessures partout, et je compte un petit peu sur les Celtics en mode je me repose un peu, et on verra en playoff pour faire le doublé, mais je suis pas persuadé que les Celtics roulent autant sur la ligue qu'ils l'ont fait la saison dernière. Voilà pour moi, top 2, top 1-2, Ça se jouera peut-être pas grand-chose, Ouais, mais Steve on Atchoui, sera dans la ça en course. fait beaucoup pour une équipe Ouais. qui repart presque de zéro, quoi. Ouais, mais voilà, voilà ma cote. À toi maintenant. J'ai avancé quelques arguments quand même. Ouais. J'ai avancé quelques arguments. Moi, C'est pas un chiffre comme ça à lâcher. non, je suis pas trop d'accord sur le fait que les Celtics vont prendre, entre guillemets, pas. C'est pas ce que tu as dit, mais je schématise, je grossis le trait, la saison régulière à la légère. Se relâcher un peu. Pour moi, ils vont rester dominants. Pour moi, ils vont rester dominants et ils ont leur effectif a quasiment pas bougé. Ils sont sûrs de leur force. Et puis le fils de Tatum lui a dit que c'était le meilleur. Donc maintenant, Jason, il a dit OK, c'est vrai, tu as raison, je suis le meilleur. Donc là-dessus, on est calé. Donc pour moi, je pense quand même qu'ils vont rester premiers. Ils vont rester premiers avec leur soixantaine de wins. Je pense qu'ils vont être là. Moi, je pense que c'est nous qui allons avoir peut-être un départ à l'allumage, dans le sens où on a déjà un calendrier très compliqué pour le début. Hein. Je rappelle, on chope justement Boston, on joue Cleveland, on joue Indiana. Enfin, on a quand même, sur les 5-6 premiers matchs, vraiment, même la dizaine de matchs, on a quand même du lourd à envoyer. Et on a eu une équipe qui a eu beaucoup de changements. On a de l'alchimie à recréer, des automatismes à recréer, un esprit d'équipe à recréer entre tous ces gars-là. Ça va tâtonner. Pour moi, si au bout de la première semaine on est à l'équilibre, c'est cool. C'est-à-dire que si on est à 5-5 au bout des 10 premiers matchs, voilà. Par la suite, moi je nous vois troisième. Avec peut-être, allez, je vais dire, parce qu'on a un effectif meilleur, donc je vais dire deux victoires de mieux. Donc un 52-30. Je nous vois deuxième, avec peut-être Philadelphie devant nous et Boston devant nous, et avec des Cavaliers pas très loin. Moi, pour moi, Oh. c'est ça notre top 4. Notre top 4. Voilà, après, il y a des équipes sur lesquelles je crois pas trop, mais voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à une saison où on va rouler sur tout le monde. Parce que justement, ça va être le meilleur risque pour être déçu. On peut être hypé par la saison parce qu'on a une superbe équipe qui manque peut-être un peu de profondeur. Comme tu dis, à un moment donné, il va y avoir le jeu des blessures. Moi, hier, j'ai transpiré de tout mon corps quand je voyais OG pénétrer et retomber quand on sait que c'est l'homme de verre à qui on a filé 40 patates par saison. S'il commence à nous rater une dizaine de matchs par-ci, une dizaine de matchs par-là, bon, ben ok, derrière, on n'a pas de vrai remplaçant poste 4, alors Mitch n'est pas forcément là, qui tu vas faire décaler, qui tu vas faire jouer en 4, tu vas faire monter Mikal en 4, ou tu vas faire de jouer Precious Achiuwa en Ah, 4, beaucoup de questions voilà. sur les Et ajustements. on sait qu'on a une équipe, comme tu dis, il va y avoir des blessures, et on a une équipe qui a pas mal de joueurs injury prone, hein. Mitchell Robinson d'ailleurs est parvenu, Ojan Udogie est injury prone as fuck. Karl-Anthony Towns, pardon, est injury prone. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on soit en mode ouais, ok les gars, ça super. Beaucoup encore d'incertitudes dans notre jeu, beaucoup d'incertitudes sur le futur de comment ça va jouer. Il y a des joueurs qui se connaissent, un mec comme Mikal Bridges. Je lui fais confiance dans sa façon comment dire, fonder au collectif. Ouais. Quid du nouveau rôle de Karl-Anthony Towns? C'était une star, il arrive ici derrière Jalen Brunson. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer le nouveau jeu? Parce que jusqu'à présent, on jouait avec une ancre dans l'axe. Là maintenant, il n'y est plus. Comment ça joue? Donc, beaucoup de choses, beaucoup trop de changements à mon goût dans cet effectif des Knicks. On sera au rendez-vous, mais peut-être pas autant que ce que tout le monde peut l'annoncer, c'est-à-dire 60 wins, premier, et on roule sur tout le monde. Voilà, c'est mon avis, je dis troisième, à flirter avec la quatrième, à 52 wins. C'est déjà Ok. 52 wins, quatrième, si on est quatrième, on n'est pas sous les 5, on n'est pas sous les 50 wins. Ça s'annonce de toute façon à être une conférence Est assez disputée, mais effectivement, plus 2. Moi, plus 8, plus 9. Attends, on était à combien? On était à 50 l'année dernière? Ou 50. Ok, ouais. Plus 8, plus 9. Je pense que c'est jouable. Eh bien, écoute, on a lâché nos pronos. À vous de nous dire en commentaire ce que vous voyez pour cette saison des Knicks. Marquez-les, hein. N'ayez pas peur. Qu'on envoie ceux qui vont marquer les 72 victoires, d'autres qui vont être pessimistes, qui vont dire non, on joue le play-in, malheureusement, cette équipe est mal branlée. Enfin, voilà. On n'a pas parlé encore de résultats final, on n'a pas parlé de titre de champion, on a parlé juste de saison régulière, et c'est par là que ça commence. Et la saison régulière, on aura l'occasion d'y aller deux fois cette année avec l'association pour vous emmener voir des matchs en voyage. On vous emmènera en voyage voir des matchs. Oh là là, je commence à saturer, à fatiguer. Mais vous m'avez compris, en tout cas tout ça est encore disponible. C'est le moment de monter dans le wagon, d'embarquer dans l'avion avec nous. Après, il sera trop tard. Peut-être que c'est l'année du titre, peut-être que c'est l'année où les Knicks finissent avec le meilleur bilan. Ou deux, ou trois, ou quatre. En tout cas, vous l'avez compris, il y a une belle équipe, il y a de l'ambition, il y a de la hype, il y a de l'envie. Il y aura des moments où il y aura des hauts, des très hauts. On va kiffer. Il y a des moments où peut-être douter un petit peu. On va se poser des questions. Il y aura des belles surprises. Il y aura plein de choses sur cette saison. Donc, soyez au rendez-vous. En tout cas, nous, on est déjà prêts pour vous accompagner sur cette saison, que ce soit sur KNF TV avec un Phoenix Week ou que ce soit sur nos événements associatifs. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à vous faire pour rejoindre le mouvement avec des Hall of Famers comme Spike Lee. Eh bien, voilà, il faut prendre votre carte de membre pour vous aussi un jour peut-être devenir un Hall of Famer ultime et dire oui, j'ai vu les Knicks dans l'équipe qui a été championne NBA. Oui, voilà. Peu peuvent le dire aujourd'hui, avoir vu de leur vivant l'équipe des Knicks champions. Peut-être que nous sommes dans une saison qui va nous l'amener. Donc, c'est tout le mal que je nous souhaite, en tout cas, pour cette très très belle saison. Et on dira, dans 30 ans, j'y étais, je me rappelle. Oui, notre temps, j'espère qu'on ne sera pas encore grabataire. En tout cas, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous rejoindre. Si vous aimez bien sûr nos vidéos, n'oubliez pas lâcher les pouces, les commentaires, tout ça, vous abonner, la cloche, le concept de YouTube, on vous l'explique pas, vous le connaissez. Et puis on va vous donner rendez-vous pas plus tard que la semaine prochaine, même endroit, même heure, lundi. Rendez-vous sur KNF TV pour l'épisode 98 et on pourra débriefer un petit peu plus les deux nouveaux matchs de pré-saison. Voir qui a passé le cut. La ou hype pas, des Wizards. S'il y a des inquiétudes ou si on est toujours aussi hypé. Voilà, Seb, bonne semaine à toi, voisin du dessous. On va rendre l'antenne et on vous dit à la semaine prochaine. Let's go, Knicks, les amis. Ciao, ciao, ciao.